Pourquoi ils font ça sur la chanson? Parce qu'ils savent que je sais pas siffler. C'est contre moi qu'ils font ça, c'est ça? Mais est-ce que tu sais siffler? Parce que moi, quand je savais pas siffler, je savais quand même siffler en aspirant, tu vois. Moi, je sais juste siffler en faisant. Ah ouais, c'est tout. Ouais. C'est pas faire des vraies mélodies, quoi. Non, moi, je sais pas siffler avec les doigts. Et avec les doigts non plus? Mais non, mais c'est ça mon truc. Et c'est avec le désespoir. Les brins d'herbe. Mais avec rien, les amis. Oh. C'est le désespoir de ma vie. Ah ouais. Quand j'étais petit, tous mes potes savaient siffler. Et moi, j'étais avec. Ah oui, alors ça c'est pratique parce que quand ton pote il est à, je sais pas, un mètre de toi, tu peux l'appeler comme ça. Oui, mais quand il est de l'autre côté de la rue et qu'il y a de la circulation, comment tu fais pour l'appeler? Mais je vous ai déjà raconté cette histoire. Oui. Où j'habitais, dans le quartier où j'habitais, quand on finissait de déjeuner entre potes, on s'appelait en sifflant devant les maisons. Donc dès que mon voisin il arrivait devant chez moi, il sifflait avec ses doigts, je l'entendais, je sortais. Et moi j'étais comme un con, quand je finissais avant mes potes, j'étais devant les maisons et je faisais. Et je restais seul dans la rue. Voilà. Ah, t'attirais bien 2-3 labradors quand même. Ça y est, j'attaque avec. Allez, c'est pas grave. Ici, on juge pas. Bon, on sait tout faire. Bonjour tout le monde. C'est Fun Radio, sauf siffler. Ça va, ça passe. Hey. Richard Orlinski. Sac Noël. Ou encore Martin Garrix, In the Name of Love. Voilà ce qui va attaquer la première demi-heure de Bruno dans la radio, car c'est de cette émission dont il s'agit. Vous arrivez sur Fun Radio, bonjour tout le monde, je m'appelle Bruno avec toute l'équipe. Là, on arrive chez vous dans moins de 2 minutes après les news. Fun Radio, le son Dance Floor. Fun. Les premières infos de ce jeudi 13 octobre avec Poulo. Maxime Poulaouec, bonjour. Et bonjour Bruno, bonjour à tous. On commence par la météo. 3 départements du sud en vigilance orange pour vent, pluie, inondation. Il va fortement pleuvoir sur les régions de la moitié de sud aujourd'hui avec des orages. Le soleil tentera de résister au nord, même si seule la Bretagne restera finalement à l'écart. Il fait 5 à 8 degrés ce matin, un peu plus près de la Méditerranée. Dans l'après-midi, prévoyez 10 à Lyon, 12 à Paris, 14 à Brest, 15 degrés pour Bordeaux et Tarbes, 20 degrés à Perpignan. C'est la sortie attendue du PlayStation VR, le casque virtuel de Sony sur la PlayStation 4. Plus de 50 jeux sont disponibles dès le lancement. C'est simple, vous vous plongez dans un univers complètement immersif, comme nous l'explique Richard Brunois, le directeur de la com de Sony France. On est totalement immergé dans le monde dans lequel on a choisi de jouer. Si on est un pilote de Formule 1, on va se retrouver dans la Formule 1, on va se retrouver dans l'environnement, on peut lever les yeux et voir le ciel, on peut se retourner et voir les concurrents. Le PlayStation VR dont le poids n'est que de 600 grammes est disponible dès aujourd'hui à un prix de 399 €. Vous pouvez le gagner également en écoutant Bruno dans la radio cette semaine. Il vous faudra rajouter 60 € pour la PlayStation caméra, indispensable pour son utilisation. Dans l'actualité, c'est donc ces intempéries dans le sud. Les cours sont suspendus aujourd'hui dans l'Hérault pour les écoles, collèges et lycées. Les portes de la foire internationale du parc des expositions de Montpellier resteront fermées toute la journée. La primaire de la droite et du centre, le premier grand débat se déroulera ce soir sur TF1 et RTL. 7 candidats, 6 hommes, une femme pour une seule place. Tout a été réglé au millimètre. Coup d'envoi 21h pour 2 heures de bataille. Et puis participez au prochain spot pub de Fun Radio. Postez dès maintenant vos photos les plus fun sur les réseaux sociaux avec le hashtag Ambassadeur Fun Radio. Les meilleurs clichés seront sélectionnés. Le spot sera diffusé au mois de novembre à la télé. Bon réveil avec Bruno. Jeudi, c'est le 13 octobre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 6h04, bonjour. Et bienvenue sur la première radio Dance Floor de France, merci d'être là, merci de nous rejoindre, c'est Fun Radio, on est ensemble jusqu'à 9h15, au mieux. Oh oui. Ça peut être plus, je ne sais pas ce qui peut se passer ce matin. Je m'appelle Bruno, ravi de vous accompagner comme chaque jour, mais je ne suis pas seul, il y a bien sûr la ravissante Christina. Bonjour à tous. Ça s'est bien passé ce petit déplacement du côté de Angers? Ah, c'était super, franchement avec Elliot, on a passé un super moment, on a rencontré des gens adorables et voilà, c'était hyper cool. Oui, puisque aujourd'hui, vous le savez, sort la PlayStation VR avec le casque de réalité virtuelle et comme c'est avec Fun Radio, hier en avant-première, on l'a amené chez un auditeur qui a gagné hier matin. Oui. De l'apéro, Elliot. Ah super, on embrasse Baptiste, surtout qui vivait chez ses parents, donc on embrasse sa maman, oui. Qui nous accueille avec des spécialités de la région, c'est des sortes de côtes de porc un peu grillées, des mini pizzas, des mini burgers, Il y a eu du saucisson qui avait été acheté chez le boucher. On a eu le choix avec. Il y a eu plein d'apéros, du crément. Il y a eu du crément de la région. Le Cointreau, c'est de la région aussi. Oui, exactement. Ouais. Je savais pas. Mais on voilà. vous a rapporté du chocolat. Ils nous les ont donné pour vous. Oh, voilà. C'est gentil. C'est-à-dire que sur tout ce qu'ils vous ont offert à bouffer, vous avez ramené que du chocolat. Ouais. Allez, coin. Elle a été chercher ça comme cadeau pour l'offrir à toutes les filles. C'est gentil. C'est adorable. Ça va, Vacher? Ça va, ça va. Écoutez, moi ça va bien. Chocolat gratuit, Vacher. Donc forcément. Dès qu'il y a du gratuit. Je suis content. Hyper content. Bon, en tout cas, il a kiffé. Vous lui avez branché sa PlayStation ouais. avec le casque de réalité virtuelle. J'ai vu qu'il avait fait venir ses potes. Ouais, il y avait ses potes, ses cousins. Ils avaient tous séché les cours d'ailleurs pour venir. C'est bien ce que j'allais dire. C'est pas un bel exemple, mais bon, il voulait trop tester le truc. Et là, il en a pour des semaines. Il va avoir du monde chez lui tous les jours. J'ai l'impression qu'il était refait. Bon, et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est donc la sortie de la PlayStation VR. On va vous offrir une nouvelle fois un pack ce matin, comprenant la PlayStation 4, le casque de réalité virtuelle, la caméra qui va avec et les deux manettes pour pouvoir jouer avec les jeux de réalité virtuelle. Pour l'instant, il y en a 11. Et ben, on vous offre les 11 jeux. Le pack total vaut 1210 €. Ça sort aujourd'hui. On va vous l'offrir ce matin. On attaque l'émission avec Laurie. C'est l'auditrice du jour. Applaudissements pour Laurie. Ouais. Bonjour. Bruno dans la radio. Oh, comment ça va, ma Laurie? Ah, Laurie. Bon, ça va. Non, mais je te mets un petit Laurie. Je te mets un petit Laurie derrière. Parce qu'il ne faut jamais se priver d'un petit Laurie. T'es sûr? Mais moi, j'aime bien Laurie. Ah voilà, oui, je vous le dis, voilà, j'aime bien Laurie, j'aime bien la chanteuse Laurie. On a chacun nos trucs. Moi, j'aime bien Laurie. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas grave, c'est juste que normalement, ça se dit pas à l'antenne. Merci, je t'aime, Bruno. Voilà, c'est tout. Je te soutiens, Bruno. Laurie, t'as 18 ans à Caen, tu es étudiante? Non, pas étudiante. Je suis à la recherche d'un travail et j'aimerais travailler avec des enfants. D'accord, ok, très bien. Laurie, tu es l'auditrice du jour. Ça veut dire que jusqu'à 9h15, t'es la tolière de l'émission. Oui. On va faire un peu ce que tu veux. Si t'as des sujets dont tu veux parler, on pourra le faire. Et puis surtout, s'il y a des sujets auxquels tu veux participer, t'auras la ligne directe du studio. D'accord? D'accord, pas de problème. Je rajoute à ça, parce que c'est important, la petite question du jour. Que tous les matins, vous pouvez poser une question à un membre de l'équipe. C'est la question du jour. Sans tabou, tu veux poser une question à qui ce matin? Alors, à Elliot et Christina. Ah, d'accord. Oui. Alors, je voulais savoir et tout. J'ai vu hier que vous êtes allé chez un auditeur. Oui. Pour offrir la PlayStation VR. Je voulais savoir un peu comment s'est passé votre journée à Angers et comment vous avez vécu et tout. Ça devait être trop bien. Et puis, ils devaient être super contents et tout. Savoir comment ça s'est passé pour vous. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'elle a peut-être pas dû entendre. Du coup, tu étais en attente, je pense, au standard. Je sais pas si tu as entendu, mais franchement, c'était énorme. Il a fait venir toute sa famille. Et après, à Angers même, on n'a rien eu le temps de faire parce qu'on est arrivé à la gare, on est allé direct chez l'auditeur. Oui, on a vu le centre d'entraînement du Angers Football Club. Ah oui, on a vu les joueurs de Angers. Ah ouais, les footballeurs. C'est quoi le club d'Angers? Bah, Angers. Angers, ils jouent en Ligue 1. Ils jouent je sais, non, mais c'est pour ça, c'était le nom précis du club d'Angers. Ouais, ils sont toujours meilleurs que l'OM. On les a vus s'entraîner et sinon, non, on est retourné à la gare. Elliot a joué du piano. Debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais moi, ça veut dire beaucoup en tout cas. Voilà, non, Christina m'a payé un brownie à l'aller Gare Montparnasse. Ouais. Après, les détails dans une histoire, c'est cool, mais il y a certains détails, vraiment, je vous jure, on s'en fout. On a mangé une salade chez Pommes de Pin en route dans le train. Moi, je t'ai lâché à Pommes de Pin. C'est intéressant, pourtant. Bon, Laurie, ma belle. Oui. Tu peux revenir dans l'émission quand tu veux, je te fais des bisous. D'accord, moi aussi je vous fais tous des bisous. Passe une belle journée là-bas. Bisous. Richard Orlinski. Hi, this is Ava Simmons with Bruno on Fun Radio. Where is all this going? I don't wanna hold back, I don't wanna let you in. Rushing on a feeling, chasing fireflies, I wish I was less impulsive. quiz de Christina qui s'annonce pour 6h20, ce qui me met tout en joie. J'adore attaquer les journées avec des quiz de Christina. On va déconner un peu avec les stars, celles que vous connaissez, et leurs petites habitudes. C'est quoi le sujet ce matin ? C'est des anecdotes coquines. Ah ! Normalement, vous ne les connaissez pas. Ce sont des anecdotes qu'ont vraiment vécu des stars, donc coquines. Je vais vous donner ces anecdotes et vous essayerez de deviner quelle star se cache derrière. J'adore l'idée. C'est bien, c'est bien. 32-28, on peut demander à un auditeur de jouer avec nous ? Évidemment. Allez, si vous voulez jouer avec nous, si vous êtes incollable, si vous avez votre bac, voici, maîtrise, ouais. Gala, okay. un DUT public, les amis. Ouais. Vous pouvez passer un coup de fil, on va vous filer du cadeau, on vous filera un package Fun Radio. On peut rajouter des trucs. Je suis d'humeur généreuse ce matin. Sac Noël, c'est le son de trompette avec Sean Paul là-dessus. Là, ça arrive sur Fun Radio pour l'instant. On joue. Tout gagné, tout perdu de ce matin, il y a Bastien qui a 27 ans. Il est de Villefranche-sur-Saône, Bastien. On l'applaudit, il joue avec nous ce matin. Salut Bastien ! Salut Bruno, salut l'équipe ! Salut ! Salut ! Bastien, tu bosses dans la fibre optique, ça va super bien. Écoute, je sais que tu es à Villefranche-sur-Saône, on est donc dans le département du Rhône, mais si tu peux tirer de la fibre optique jusqu'à chez moi pour internet, ouais. Ça m'arrangerait. Alors, j'ai fait un petit détour par chez moi parce qu'ils m'ont dit venez chez nous, on va vous installer la fibre, ça prend quelques jours, ça fait déjà 2 semaines et apparemment il y a un ticket incident qui est ouvert. Ouais. Ça pue. Ouais. Si t'es pas un ticket incident, tu l'as dans le HUC. Bastien, en arrivant sur Fun Radio, tu viens de gagner ton overboard, d'accord ? Ouais. Je rajoute une caméra GoPro. Je rajoute un casque DJ. Vous avez vu qu'on a attaqué la semaine, c'était un casque DJ Sonovante. Ouais. Le lendemain, c'était un casque Bruno dans la radio. Aujourd'hui, c'est un casque DJ. Demain, on offrira un. Non, c'est un casque Bruno dans la radio. Et la compile Bruno dans la radio, ces 4 cadeaux sont en route pour toi. Pas de soucis. Bastien, pour les garder, il faut que tu répondes correctement à 4 questions que je vais te poser. Chaque mauvaise réponse, c'est un cadeau qui disparaît. D'accord ? D'accord. Eh bien, c'est parti, première question. Une nouvelle appellation dans le lexique des comportements sexuels s'appelle le sexorcisme, qui consiste à coucher avec quelqu'un pour tenter d'oublier son ex. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je dirais que c'est vrai. Le sexorcisme. D'accord. On l'a tous fait, si c'est ça. Si c'est coucher avec des nouvelles meufs pour oublier ton ex, tu le fais. En général, ça marche pas. Non. Mais est-ce que dans le sexorcisme, la nana peut te dire à un moment « Ta mère suce des cœurs en enfer !» Comme dans le film, je sais pas, vraiment. Tu gardes tous tes cadeaux, Bastien. Voici la deuxième question. En France, les poissons rouges sont reconnus par la loi comme des animaux domestiques. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je dirais que c'est vrai, hein. Eh ben c'est vrai. Ah ouais ? Depuis le 11 août 2006, il est établi que le poisson rouge est considéré comme une espèce domestique, comme le chien ou le chat. Si quelqu'un a trouvé à quoi servent les poissons rouges, s'il peut me prévenir, ça me ferait plaisir, parce que je n'ai toujours pas trouvé. Non, mais... C'est joli, ça détend. Non, mais non seulement ça, tu peux pas avoir de complicité avec lui et tout, mais quand tu le nourris, si tu donnes pas assez ou trop, il meurt. Le mec est hyper fragile, quoi, le poisson. Et puis, hyper chiant. C'est un côté super pratique, le poisson rouge. Pourquoi ? Mais parce que, à la différence du chien ou du chat, tu vois, que t'es obligé de promener pendant 1200 ans, etc., le poisson rouge, il a une mémoire de poisson rouge. C'est-à-dire que tu le mets dans un bocal rond, avec un petit château qui fait des bulles au milieu, il passe devant le château, hop, putain, il est super sympa, le château, il fait des bulles. Il s'arrête, il a fait un tour complet. Ouais. Il repart, il fait « Oh putain, il est super sympa ce château, il fait des bulles. Ouais, » Putain, ce château, il est super sympa, il fait des bulles. Et après, tu peux rajouter un autre poisson à côté de lui, et hop, ils sont tous les deux. Il dit « Putain, t'as vu ce château, il est super sympa. » Et le mec lui répond « Bah oui, il fait des bulles. » Putain, ils s'entendraient bien avec mon papy, ceux-là. Troisième question, tu gardes tous tes cadeaux. En 25 ans, le temps moyen que l'on passe à dormir par nuit a diminué de 18 minutes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je dirais que c'est faux. Non, c'est vrai. En 2016, on dort en moyenne 7h47. C'est ouf. Je suis en train de me dire que moi, ma moyenne de sommeil en faisant la matinale à la radio, et donc depuis une éternité, hein, moi en moyenne, c'est une bonne nuit, c'est 6h. Ah, pareil. Ouais, je dépasse 5h30, 6h. Ouais, jamais ça, plus, quoi. C'est jamais plus, ouais. Et, mais ça va, je tiens le... On l'a perdu encore. Bruno ! Ouais, ça va. Bruno ! Voilà, il revient après. Bonjour, 6h16, c'est Fun Radio. Hey, il est sympa ce château qui fait des bulles. Bon, t'as perdu l'overboard, on joue pour la GoPro, le casque et la compile, dernière question. L'héliciculture, c'est la fabrication d'hélices d'hélicoptères. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je dirais que c'est faux. Bah oui. Ah. Surtout avec culture, qu'est-ce que tu fais? Je cultive des hélices d'hélicoptères. Est-ce que tu sais ce que c'est ou pas? Pas du tout. C'est l'élevage des escargots comestibles. Et si tu avais regardé L'Amour est dans le pré, tu le saurais, parce qu'on l'a appris cette année. Il y a un héliciculteur. Il y a une fille. Ouais, une fille, c'est Monique. Elle est horrible. Ah ouais. Elle parle beaucoup, elle est c'est le genre de femme qui s'arrête jamais, t'as envie de dire arrête. Bon, Bastien, GoPro, qu'est-ce que DJ compile Bruno dans la radio, c'est bien. Tu pars parler ma vie, c'est de la bombe. Bah, continuez comme ça en tout cas. Et bah, promis juré, Bastien, on te souhaite de passer une belle journée, on t'embrasse. Et je peux faire un petit coup comme mes collègues de boulot. Mais vas-y, vas-y. Et bah, bonjour à Mika, Anto et puis Greg qui vous écoutent sur vent. Et bah, le message est passé, mon pote, on t'embrasse. Hey yo, this is Sean Paul, the girls, I'm overall. When I come to France. You know I'm listening to Bruno on Fun Radio. The girl with the big tic-tac, she feel gimme the, head to the floor, girl, gimme the, bend over, girl, and gimme the, spit down to the ground, seismic activity, spin round me, girl, and gimme the, top wine, girl, and gimme the, body look fine, girl, gimme the, coming out, waste some time, girl, gimme the, body look good, girl, you ever be winning it, turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body may take up a permanent residence. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Make the trumpets blow. Bubbly, serious thing it and a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckler, the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know where she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body may take up a permanent residence. Trumpets blow. Sean Paul et Trompettes. La demi-heure qui arrive sur Fun Radio, Martin Garrix là qui arrive, je vous cale Boosty. Avec Popcorn. Et Bieber. Fait longtemps celui-ci, tiens. Les filles, vous êtes en couple, le chiffre du jour est pour vous ce matin. Si jamais vous aviez le pouvoir d'hypnotiser votre partenaire, vous en profiteriez pour lui faire faire quoi? Ah, vraie question pour les filles en couple. Tiens, Christina. L'amour toute la nuit, je pense. Ah là là, le papy. Comment il va, papy? Il arrive plus à faire l'amour, hein? Non. En plus, je vais pas être méchante parce que hier, on avait du monde à manger à la maison. Ouais. Et c'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a tout rangé jusqu'à genre minuit. Moi, je dormais déjà depuis deux heures. On est tous en attente d'une anecdote un peu chaude et la nana nous parle de bouffe, hein, quand même. Ah oui, non, je dormais, moi. Ah oui, d'accord. On va demander à Amélie au standard. Amélie. Oui. D'après toi, alors? Juste pour voir s'ils écoutent, en fait. Attends, j'étais au téléphone. Voilà. Ouais, c'est vrai, ils répondent au 3928 en même temps. Si t'avais le pouvoir d'hypnotiser ton chéri, t'en profiterais pour lui faire quoi? Oh là. C'est une geek, Amélie. Ouais. Lui piquer ses codes sur le PlayStation Store. Lui piquer des Pokémon. C'est une question très vieille. Je sais pas du tout. Vas-y, on a la matinée, de toute façon. Ouais, vraiment. C'est quoi? On va attendre. Nous, il n'y a pas de souci. Parce qu'il n'y a pas de problème avec ça. Regarde, hop. Peut-être une musique d'attente et puis on attend. Il me fera à manger. Non, mais pendant le sexe. Non, pas pour le sexe. Ah non, non, mais. Pardon, non. C'est moi Elliot, qui suis pervers. Cette émission n'est pas basée que sur le cul. Ah, tu t'es trompé. Va bosser avec Koé si tu veux, mais on n'est pas chez nous, non, c'est pas le délire. C'était un fantasme, excusez-moi. Lui faire à manger. Qu'il me fasse à manger. Ah, que lui te fasse à manger. D'accord, ok. Ah, pas con. Bien, bonne réponse. Bon, c'est pas la réponse que j'attendais, mais en tout cas, c'est un rapport avec le chiffre du jour. Les filles, voilà, si vous pouvez hypnotiser votre partenaire, vous en profitez pour lui faire quoi? Oui, Vaché. Vraiment des belles journées, quoi. Tu vois, moi je me disais, Amélie, elle va mettre une demi-heure à trouver une anecdote. Elle a mis une demi-heure, mais putain, au bout, t'as la vraie anecdote. À manger, tu vois. Il y a des gens qui réagissent sur Twitter. T'es pas sympa. Et à manger quoi, les gens disent sur Twitter? À manger quoi? C'est le buzz, on veut savoir. Il y a Morandini qui vient de faire un article. On ne sait toujours pas ce qu'elle veut, qui lui prépare à manger. Pour en dire plus. Ma pauvre Amélie, bon, on t'aime, ma petite Amélie. Elle est 6h23. C'est un quiz de Christine, elle a tout de suite. Si on faisait un truc marrant. Le quiz de Christina. C'est le quiz de Christina. Il y a Claire qui a appelé le 3228. Bonjour Claire. Bonjour, bonjour la famille. Tu fais quoi dans la vie à Rouen, Claire? Je travaille dans le bâtiment. Travaille dans le bâtiment. C'est rare pour une fille. Tu fais quoi dans les bureaux? T'es vraiment. Non, je suis sur le chantier. T'es sur le chantier. D'accord, ok. Et tu fais quoi dans le bâtiment? Je suis chef de chantier. Chef de chantier. Elle pas la rigolote. Moi, j'ai pas envie de me friter avec elle. Moi, je t'aime, Claire. Je veux que tu le saches. Hein. Claire, bon, tu vas nous filer un petit coup de main là sur le quiz de Christina. Quiz de Christina ce matin. Qui parle de stars forcément, mais on est sur quoi? Sur des petites anecdotes coquines? Oui, des anecdotes coquines sur des stars. En fait, vous allez essayer de deviner quelle personnalité célèbre se cache derrière chaque anecdote, d'accord? D'accord, c'est parti. Tu joues avec nous, Claire? Pas de soucis. T'es un amour. Je sens que tu te réveilles en plus, Claire. Il y a pas longtemps, oui. Non, il y a pas longtemps, il y a deux minutes. Non, il y a un quart d'heure. Oh, c'est ça. Alors, première anecdote, on parle d'un couple. Ils avaient fait installer une grotte secrète derrière leur piscine pour faire des câlins. C'est stylé, non? Déjà, c'est un couple qui a un peu d'argent. Ils ont énormément d'argent. Vous avez une idée de qui ça peut être? Brad Pitt, Angelina Jolie. Exactement, ils sont plus ensemble, mais c'était leur trip. Donc en fait, ils avaient une énorme piscine, derrière, ils avaient une petite cascade. Et un peu comme dans des films, on a déjà vu ça, derrière la cascade, il y avait cette grotte secrète et ils se retrouvaient là pour faire des câlins. Et tout ça pour divorcer un mois plus tard. C'est bien. Regarde, j'ai le son. Ah, ouais. C'est le son de Angelina Jolie? Oui, c'est dans Angelina Jolie, ça. Oh non. Ça va pas, non. Bon, allez, un autre, c'est toujours un couple. Tous les mercredis soirs, ils font des jeux de rôle pour pimenter leur vie sexuelle. Bah déjà, une bonne nouvelle, c'est que tous les mercredis, ils font un câlin. Ouais. Voilà. Et en plus, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Je trouve ça beau, moi. C'est français? Non, c'est pas français, monsieur. Attends, moi, j'y connais rien en couple. Jean Barack Obama. Et puis son mec, là. Qui ça, tu dis? Qui ça? Kim Kardashian. Kim Kardashian. Et Kanye West? Non, c'est pas eux, c'est David et Victoria Beckham. Ah. C'est leur petite habitude de mercredi soir. Alors parfois, ça peut être l'infirmière et son malade. Ah oui, parce le patron et sa secrétaire. C'est-à-dire que nous, les jeux de rôle, tu vois, si moi je fais un jeu de rôle avec ma femme, je dis ah oui, excusez-moi, je suis footballeur professionnel, je gagne des millions. Et je passais devant chez vous, elle va dire ah oui, j'adore le foot. Et ben Beckham, c'est le contraire, lui dire regarde, ouais, je suis chroniqueur sur Fun Radio. Ouais. Et puis je fais des vannes des fois qui foirent. Et puis en ce moment, j'ai eu un bébé, je dors pas beaucoup. Ok, faites-moi l'amour. Allez, une autre. Elle aime se faire attacher les mains au barreau du lit pendant les câlins. Kim Kardashian. Je sais pas, c'est pas d'elle dont il est question là ce matin. Mario Cotillard. Non. Ah bon, je l'imaginais comme ça, elle. Un peu. Lady Gaga. Non. Britney Spears. Non. Madonna. Pierre Chazal, pardon. Non. On est dans de la star américaine. Madonna. Non, qui est un peu moins connue en ce moment. Chanteuse. Non, actrice. Si, si, celle de Hunger Games. La chaudasse. Jennifer Lawrence poil, ouais. Non, c'est Eva Longoria. Ah. C'est son délire. Comment elle se la pète quand elle lui dit Jennifer Lawrence? Non, c'est pas elle. Bon, allez, une autre. Là, on est dans du français, d'accord? Il aime se donner du plaisir seul avant chaque grande compétition. Ah bon? Teddy Riner. Non. Ah, ça doit être un truc comme ça. Si c'est Teddy Riner, je lui prends pas les mains quand je fais un combat. Footballeur? Non, mais il a des grandes mains aussi. Basketteur? Non. Il est dans l'eau. Il est dans... Ah, un agent. Florent Manoudou. Non, un autre. Amaury, non, il n'y a pas un mec qui s'appelle Amaury. Amaury Leroux, ouais. Non, Camille Lacour. Camille Lacour. Ah. Exactement. Ouais, mais Camille Lacour. En deux mots. Ah. En fait, il se donne du plaisir avant, ça fait gouvernail après dans la piscine. Allez, une autre. Cette star féminine. On finit là-dessus, donc attention, okay. Tu m'en trouves une belle. Bon, d'accord. Cette star féminine aurait pu faire la boulette avec une autre femme connue. C'est une française? Alors, c'est pas une française, mais elle parle très bien français. Et elle est hétéro de base. Oui. T'as dit quoi, Claire? Jeudi Foster. Non. Bah non, elle est homosexuelle pour le coup. Celle qui sortait avec le mec qui travaillait à l'opéra. Ouais. Ouais. Donc, comment elle s'appelle, elle? Nathalie Portman. Voilà, c'est elle. Non, c'est pas elle. Ah bon, merde. C'est Monica Bellucci. Ah, elle parle très bien français et elle aurait pu faire la boulette avec Sophie Marceau. Ah ouais, si celle-ci avait été d'accord, évidemment. Et ben, si jamais elle la font, qu'elle prenne des photos. Comme ça, c'est juste pour se tenir au courant un peu. Bon, Claire, ma chérie, merci dès le réveil de nous avoir appelé. C'est adorable. On te fait un bisou, on t'offre un pack Fun Radio, d'accord? Pas de soucis. On te fait des bisous. Bisous. Ciao, ciao. Bisous. Petit Martin Garrix qui fait plaisir. Il est sur la compilation Bruno dans la radio, dans les bacs depuis 2 semaines. Tout ce qui se fait de mieux en tube, les amis, est à l'intérieur dans ce titre In the Name of Love. Wake up, it's Martin Garrix with Bruno on Fun Radio. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you in? You're blind in the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all In the name of love, Martin Garrix. Popcorn qui arrive dans quelques secondes et le chiffre du jour là sur Fun Radio juste après les news. Fun Radio, Fun Radio. Le son Fluff. Le point sur l'actu de ce jeudi, c'est le 13 octobre et c'est Maxime Poulaouec pour les news. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Bienvenue sur Fun Radio, la météo de ce jeudi 13 octobre. Un temps nuageux et pluvieux sur quasiment tout le pays aujourd'hui. 3 départements sont placés en alerte orange pour fortes pluies, inondations, vents violents et vagues submersions. L'Hérault, l'Aude et les Bouches-du-Rhône. De violents orages sont attendus dans le sud jusqu'à demain matin. Il faudra être dans le nord-ouest pour profiter du soleil. Il fait 5 à 8 degrés au réveil, un peu plus vers vers la Méditerranée dans l'après-midi. Comptez 10 à Lyon, 11 à Angers, 12 à Paris et Nîmes, 13 à Lille et Cherbourg, 17 à Bayonne, jusqu'à 20 degrés à Perpignan. À conséquence des intempéries dans le sud, les cours sont suspendus aujourd'hui dans les écoles, collèges et lycées pour le seul département de l'Hérault. Le parc des expositions de Montpellier qui accueille la foire internationale restera fermé toute la journée. À 7 candidats, une femme, 6 hommes, le premier grand débat de la primaire de la droite et du centre aura lieu aujourd'hui. 120 minutes de débat à partir de 21h. Chaque candidat aura très exactement 17 minutes pour s'exprimer. Ce sera sur TF1 et chez nos confrères de RTL. François Hollande regardera le programme à coup sûr. Le président de la République se confie dans un livre à paraître aujourd'hui et intitulé « Un président ne devrait pas dire ça », écrit par deux journalistes du Monde. Il avoue son hostilité à des sujets qui ont marqué son quinquennat et qu'il a pourtant défendu, à 700 pages dans lesquelles il commente son action. Une grève chez SFR, les salariés cessent le travail aujourd'hui. Ils dénoncent la suppression de 5000 postes d'ici à 2019, soit un tiers des effectifs via des départs volontaires. Certains services sont menacés par un projet d'externalisation. Et puis c'est la sortie aujourd'hui du PlayStation VR, le casque de réalité virtuelle de Sony adapté pour la PlayStation 4. Vous allez être plongé en totale immersion dans le jeu auquel vous jouez. Sensation garantie, son prix 399€. C'est à gagner cette semaine également dont Bruno dans la radio. Bon réveil sur Fun. On est l'archi élite de l'élite. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. 6h33, c'est Fun Radio. Bon réveil la famille. J'ai fait un truc ce matin. J'ai fait, alors ce qui m'arrive jamais, j'ai fait du calcul. Ah bon? Mais pour quel motif? Ben vous allez voir. En fait, je vois, tu sais, Anto des fois voit des trucs dans la presse, il me les envoie. Et là, il y avait écrit, si vous arrivez à résoudre cette équation, vous êtes un génie. Ah, ouais. Et tu sais, tu vois ce genre de truc, tu dis merde. Ouais. Les amis, je vous jure, d'accord, sur la tête de mon fils, que j'ai résolu cette équation en à peine 10 secondes. On te croit, monsieur le génie, c'est bon. Alors du coup, j'ai l'impression d'être un génie. D'accord. Mais je vais vous la mettre sur la page Facebook, sur Twitter et sur Instagram. D'accord. Oui. Moi, j'ai trouvé, je vous jure, honnêtement, c'est vrai, je vous mentirai pas, vous me connaissez. Hein. Ouais. La solution, je l'ai eu en moins de 10 secondes. Je crois qu'en 6 secondes, tout de suite, j'ai dit, bah, c'est tout con. Vas-y, alors vas-y. Moi, si je la donne à Elliot, c'est mathématique. Donc voilà, je vais pas en faire des caisses là, à l'antenne parce que je peux pas vous l'expliquer par la voix, mais on va vous le mettre sur les réseaux sociaux, hashtag Bruno Fun Radio. Vous allez voir et vous dites en combien de temps vous l'avez trouvé. Moi, franchement, en 7 secondes, j'ai capté le délire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut comprendre l'équation. Il y a marqué 8 plus 2 égale 16106. 5 plus 4 égale 20091. Qu'est-ce que tu veux que ça me dise? Eh ben, c'est ça le truc. C'est le principe de l'équation. Il y a une logique. Mais moi, j'ai un souci, c'est que pour moi, les chiffres, c'est comme un film d'horreur. Tu vois, L'Exorciste ou Les Dents de la Mer ou Alien ou n'importe quoi. Pour moi, ça me fait exactement le même effet. Je vois des chiffres, j'ai peur. Ouais. Ouais. Enfin, en même temps, L'Exorciste, ouais. Si dans les paroles du film, il y avait eu ta mère fait des équations en enfer, je suis pas persuadé que ça aurait marché autant. Vraiment, si je puis me permettre. On vous le met sur la page Facebook. T'as trouvé la solution ou pas? Juste, je sais que les deux premiers chiffres, c'est 8 x 2, 16. Et bah, tu vois, tu regardes, dis pas à l'antenne. Le but, c'est que les gens essayent de le faire. Moi, je dis 6 secondes. C'est ça. Mais je te dirai hors antenne. Boosty arrive dans quelques secondes avec Popcorn. Dire que l'année dernière, je sais pas, à cette heure-ci, on aurait parlé de caca. Et là, on fait du calcul. On a vraiment trop mûri. Justin Bieber, What Do You Mean? Et Calvin Harris, My Way, c'est ce qui arrive. Oh, on a un moment happy qui est très sympa là, ce matin. On aura Amandine au téléphone. Mais pour l'instant, chiffre du jour. C'est le chiffre du jour. J'ai besoin de filles en couple ce matin. Je posais cette question. Si jamais vous aviez le pouvoir d'hypnotiser votre partenaire, vous en profiteriez pour lui faire quoi? C'est-à-dire que c'est un pantin, une marionnette, l'espace de quelques minutes, voire quelques heures, vous pouvez lui faire un truc particulier à votre chérie. Tiens, on va demander à Meryl du web, si tu peux hypnotiser ton mec, tu lui fais faire quoi? Moi, je dirais la cuisine ou faire plus l'amour. T'as un mec en ce moment ou pas? Non. C'est un message. Chanté. Ouais, je fais très bien la bouffe, mais enfin bon, après. Cécile Latour, bonjour Cécile. Salut Bruno, salut toute l'équipe. Coucou. Salut. Ouais, tu ferais quoi toi? Moi, je lui ferais faire un énorme ménage. C'est vrai? Ouais. Et bah, tu sais quoi? C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse du chiffre du jour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la bonne réponse dès le départ. Un énorme ménage. 73, oui, c'est vrai qu'elle l'a fait avec une voix un peu sexy. 73% des femmes en couple préfèrent le ménage à leur mec. Oh non. Mais ouais, ça sous-entend qu'ils le font pas habituellement, alors. Bah, je pense que c'est ça. Il fait le ménage, ton mec, d'habitude ou pas, Cécile? Ça dépend des fois. Ouais, ça dépend des fois, c'est-à-dire c'est une fois par an pour te faire plaisir la veille de ton anniversaire? C'est à peu près ça. Et soyez honnête, nos femmes n'écoutent pas là en ce moment. Moi, je le faisais au début pour faire genre et ça m'amusait parce que c'était mon nouvel appart. Mais maintenant, j'en branle, mais pas une. C'est ma meuf qui fait tout. Mais c'est surtout que je trouve que les trucs ne sont pas adaptés pour nous. C'est vrai, je pense que c'est la faute, c'est au mec qui fabrique les trucs. Sur les aspirateurs, ça a des lignes féminines. Tu vois, le produit vaisselle, c'est tout raffiné. Alors que nous, il nous faut des trucs de bonhomme. Si t'as pas un aspirateur, mais genre, comme les tracteurs tondeuses, tu vois, qui existent à la place de la tondeuse, tu nous fais un tracteur aspirateur. Où tu peux foncer dans la maison, comme ça, on va kiffer, tu vois, on va klaxonner dans le salon, on va tout aspirer. C'est vrai. C'est ça qu'on veut, nous, des trucs de bourrin, quoi. Le tracteur aspirateur. Tu rigoles, je suis sûr que j'invente un super truc. Cécile, on va te filer la compile brûlot dans la radio, d'accord, ma chérie? D'accord. Je te fais des bisous, ma belle. Ouais. Moi, j'étais sur un délire. Moi, j'étais plus un truc plus sexy, quoi, tu vois. Bah oui, ce que je disais, faire l'amour toute la nuit, non? Ce serait mieux quand même. Non, non, alors après, c'est peut-être dans les réponses, mais la grande majorité, c'est pour faire le ménage. Ouais. Sans dire long sur les couples. Elliot, ça fait combien de temps que t'es avec ta chérie? 2 ans et demi. Ça part bien, votre histoire. Oh là là. On fait l'amour. Allez, vous dites combien? Au bout de 2 ans et demi, c'est quoi la moyenne normalement pour faire l'amour? Une fois par semaine, minimum. Ouais, minimum, ouais. Ouais, non, moi, là, t'es sur une fois par mois. Ouais, voilà, une fois par mois. Au bout de 2 ans? Ouais, 2 ans et demi, ouais. Une fois par mois et une fois un peu à l'arrache, genre ça dure pas longtemps, mais on peut dire que l'on l'a fait, ça compte pour eux. Bah, mec, fais le ménage. Ça va t'occuper. Fais un truc, parce que là. Les amis, vous restez à côté de votre poste de radio parce que j'ai une info qui va vous faire froid dans le dos là. Dans moins de 3 minutes, je vous en parle. Il y a un moment happy également qui arrive dans le quart d'heure. Et puis boosté tout de suite, popcorn. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière. Car au bout du compte, nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes, en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous à l'idée qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Je capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Boosty sur Fun Radio 6h41. Bonjour Amandine. Salut Bruno, salut toute l'équipe. Bonjour. 28 ans Amandine, salut. T'es à Mazan, t'es dans le 84, c'est ça? C'est ça. Quel temps il fait dans le Vaucluse ce matin? Alors là, c'est grave la tempête. C'est vrai ? Ah merde, il y a une alerte orange d'ailleurs sur 3 départements de la France. Ouais. Courage dans le sud, les amis. Amandine, alors bon, la tempête c'est pas gay, mais par contre t'as un petit moment à pied à partager avec nous là dans quelques minutes. Oui, c'est ça. Et tu vas nous en parler. Petit moment happy qui va mettre tout le monde content. Mais là, pour l'instant, j'ai une info. Ça pourrait être le loser du jour, mais à son insu. En fait, qui a peur de l'avion dans cette équipe, mis à part Karina du JPI ? Meryl. Elle est là, elle est plus là. Meryl du web. On a le don à chaque fois de parler de sujets où les moments des gens de l'équipe concernée ne sont jamais dans le studio. Moi, si ça peut vous aider, j'ai peur au décollage. Oh, mais c'est souvent ça, les gens ont peur au décollage ou à l'atterrissage. Karina du JPI est là. Karina, là. Alors là, il est arrivé quelque chose à un gars qui était sur une compagnie, sur un vol Antalya, d'ailleurs un vol turc, c'était Antalya-Moscou. Il s'est passé un truc, je pense que quand t'es dans l'avion, il peut difficilement y avoir un truc plus glauque. Il y a quelqu'un qui est mort dans l'avion ? Exactement. Le pilote ? Et non. Un passager genre crise cardiaque quoi. Exactement. Oh l'horreur. En fait, il faut savoir, je le savais pas, c'est que normalement dans les longs courriers, il y a une pièce qui est prévue en cas de décès dans l'avion pour mettre le cadavre. Mais d'accord. Si dans les longs courriers. Sauf que là, ils avaient oublié de le vider. Ah merde. Non, pas du tout. Mais là en fait, le gars a fait une crise cardiaque dans l'avion, il est mort, mais il y avait pas cette pièce là parce que c'était un vol low cost. Et donc ils l'ont laissé sur son siège et donc il y a un gars qui était à côté qui a fait tout le voyage à côté d'un cadavre, en fait. C'est horrible. Ça se trouve, il lui parlait. Enfin, je vous parle du divorce de ma femme, mais bon, il y a d'autres choses. Hein. Vous dites rien, je trouve ça gentil que vous écoutiez, monsieur. Hein, ça fait beaucoup de bien. C'est vrai que c'est le bon délire pour foutre ta belle-mère. Grave. Mais qui te saoule pendant un voyage, et là, tu la mets à côté, tu sais que voilà, t'es peinard. Le mec est très intéressé par ton histoire, mais alors là, je vous ai pas dit. Et encore, quand il m'a dit ça, moi, je me suis énervé. Non, mais si, je vois que vous êtes stoïque. Je vois que vous réagissez pas, mais moi, je vais vous lire ce que je lui ai dit. C'est glauque ou pas ? Ah ouais, c'est chaud. Justin Bieber sur Fun Radio, What Do You Mean, là ça arrive. Et donc moment happy d'Amandine qui arrive dans 5 minutes sur Fun. A tout de suite. Votre téléphone commence à fatiguer. Vous voulez le nouvel iPhone 7 ? La seule solution, écoutez Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun, avec les tubes de Sound of Legend et Sac Noël, mixés à la suite. Mets les trumpets bleus. Soyez le plus rapide. Appelez Fun Radio 3228. Et vous gagnez votre iPhone 7. Vous êtes les meilleurs. C'est le double fun sur Fun Radio. Elle est pas belle, la vie. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Tout doit disparaître chez Conforama et vous avez jusqu'au 25 octobre. Le lave-linge Indesi Top 5 kg est à 275,44€ au lieu de 419,99€. 35% de remise. Dites-moi qui fait mieux. Mais attention, ça disparaît vite. Allez, vite. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur Conforama.fr. Un pour tous pour l'anniversaire Intermarché. Et oui, ça continue encore 2 semaines. Jusqu'à ce soir, le raisin blanc est à seulement 1,13€ le kilo. Et oui, vous avez bien entendu, 1,13€ le kilo de raisin blanc. Mais c'est seulement jusqu'à ce soir. Dépêchez-vous. C'est ça l'anniversaire, et c'est seulement chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Variété Italia, catégorie 1, origine Italie. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Partout dans le monde, sur funradio.fr. Oh, ain't you said from above, you know you make my world light up. When I was down, when I was hurt, you came to lift me up. Life is a drink and love's a drug. Oh, now I think I must be miles up. When I was a river dried up, you came to. C'est quoi, c'est un casting de pom-pom girls? Bruno dans la radio! Il a la classe! 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. 6h48, c'est Fun Radio. Tiens, je vous parlais tout à l'heure de cette équation mathématique que j'ai résolue. En moins de... je suis balèze sur le français avant 7h, j'ai des problèmes. Équation grammaticale, c'est chaud. En moins de 7 secondes, et alors, on l'a posté sur la page Facebook, donc visiblement tout le monde a trouvé la solution, mais alors il y en a qui disent, ouais, moi, en 2 secondes. Et encore, 2 secondes, je suis pas réveillé. 2 secondes, ils ont même pas lu l'énoncé du truc. Ils sont forts, j'adore. Tu sais, quand on joue à celui qui a la plus grosse, ça me fait toujours rire. Moi, tu sais quoi, même avant de l'avoir, je savais la solution. Justin Bieber, ça va arriver, la What Do You Mean. 7h du matin, il y a le Vaché Time. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vaché. Mon Vache, on a quoi ce matin? Alors aujourd'hui, c'est un quiz de culture générale. Ça fait un petit peu de bien de recadrer les choses. Hein. Bien sûr, culture générale, petit extrait. Bien sûr. Dans la phrase, le ciel au-dessus de l'autoroute, quel est le verbe? Aucune idée. Oh! Autoroute. Exactement, pourquoi vous dites aucune idée? C'est quel verbe ça, autoroute? Le verbe? Autorouter. Évidemment. Autoroute. Autoroute, autoroute, nous autoroutons. Si vous êtes en train d'autorouter, soyez prudent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'autoroute en écoutant Fun Radio, et moi je dis soyez prudent. Si, oui. Et c'est important si de le rappeler. Si vous route nationalisée, il faut aussi être prudent, mais on sait qu'il y a moins de gens sur la route. Hein, non, c'est pire. Non, c'est pire. Les gens font pas attention. S'il y a du brouillard et que même en train de route de campaniser, tu peux Remerciement. Si vous êtes en train de router, quoi qu'il arrive, voilà, vous routez en ce moment, ben, soyez prudent. Allez, dans moins de 10 minutes, 7 heures. Moment happy ce matin avec donc Amandine qui est avec nous depuis Mazan dans le Vaucluse. Amandine, salut, tu nous disais, oui, rebonjour. Il y a de la tempête ce matin par là-bas justement. Donc si vous êtes sur la route par là-bas, soyez prudent. Amandine, moment happy, qu'est-ce que c'est pour les nouveaux auditeurs de Fun Radio? C'est cette petite capsule de bonheur qu'on prend grâce à des auditeurs de Fun Radio, car je reste persuadé que le bonheur c'est contagieux. Et quand on écoute quelqu'un d'heureux, bah, l'espace de quelques minutes, on est heureux avec lui. Et toi, Amandine, il t'arrive un truc à 28 ans qui est quand même vraiment cool. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, eh ben en fait, ce matin, à 10h, on a rendez-vous pour aller chercher les clés de notre maison neuve qui est terminée. Ah, oh, ça c'est super. Propriétaire. Ouais. Félicitations, bravo. Moment de bonheur à 10h, et puis après, t'as 20 ans de t'année. Hein, voire 30. T'as pris un crédit sur combien de temps? 25. Ah, ouais. Putain, moi j'ai ça aussi. Ouais. Non, moi je crois que c'est plus, je crois que c'est 30 ans ma maison. Ah ouais? C'est-à-dire que je pense que je serai mort, elle sera pas payée encore ma baraque. Bah moi je suis pas propriétaire, je pense que je le serai jamais parce que ça coûte trop cher. C'est pas grave, on donne juste de l'argent tous les mois pour un mec qui s'enrichit alors qu'on n'a rien. C'est ça. De toute façon, dans tous les cas, on se fait avoir. Ouais, voilà. Et t'as géré un peu les plans de ta baraque ou pas, Amandine? Ouais, c'est nous, on a tout dessiné avec le commercial, on a fait les plans. Là, on va poser la cuisine ce matin, c'est nous qui l'avons dessiné. Non, la cuisine, c'est nous et Schmitt. Eh ben non. Excuse-moi, je regarde trop la télé. Non, mais c'est un truc, c'est quoi, c'est un moment important dans une vie. Ah bravo, Amandine. Ouais. Tu vas avec ton chéri, t'as des enfants ou pas? Oui, j'ai une petite fille de 3 ans qui t'adore. Eh ben écoute, tu lui fais un gros bisou et tu vas voir, elle va voir sa chambre et tout. Non, ça fait partie des moments de vie qui sont importants. Eh ben Amandine, je veux t'entendre crier « Je suis heureuse ». Je suis heureuse. J'espère juste qu'elle va pas découvrir des vis de travaux, quoi. On sait jamais parfois... Les artisans. Il est là, mon Stéphane Plaza. Elliot, il a toujours ce petit truc en plus. Mais en fait, tu sais qu'il a appris une expression et qu'il s'est dit, putain, il va falloir un jour que je la place. Et vis de travaux, c'était aujourd'hui. Yes. Bien joué. Et laisse-le encore 2 minutes, il te parle de loi Carrez, mec. Justin Bieber, c'est tout de suite, c'est sur Fun Radio. What do you mean? What I'm saying, trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean?

téléphone, vous pouvez être la victime de Vaché. Il y a le Vaché Time là, qui arrive sur Fun Radio. Et pour le son dance floor de Fun, dans la demi-heure, Mike Perry. Dans quelques secondes là, je vous passerai The Ocean. Et puis le dernier Pitbull avec Florida. Il est sur la compile, Bruno, dans la radio, dans les bacs là, depuis un peu plus de deux semaines désormais. Green Light, c'est ce qui arrive sur Fun. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder. Calvin Harris. Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Bon, à la Banque Postale, ils ont étudié votre tendance à garder votre chère vieille voiture. À la Banque Postale, ils ont aussi étudié qu'elle vous coûte quand même plus cher que vous ne l'imaginiez, hein, parce qu'elle demande beaucoup d'entretien, cette chère vieille voiture, hein. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils étudient, ils agissent. Alors jusqu'au 5 novembre 2016, profitez de leur bon taux sur le prêt personnel auto et en route pour financer votre nouvelle voiture. C'est ça, l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. Service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. C'est en exclu, c'est chez U, les ventes privées live. Les ventes privées live, c'est pendant 3 semaines chez U, des offres incroyables, de l'inimaginable. Non. Si, si. Alors pour ne rien rater, vous avez intérêt à bien m'écouter. Ah ben je vous écoute toujours, Daniel. Et chaque jour, je vous annoncerai une nouvelle offre exceptionnelle. Ah. Et dès que vous l'entendrez, il faut foncer. Je foncerai. C'est ça. Jusqu'au 29 octobre, U vous invite à ses ventes privées live. Profitez-en avec le prospectus. Conditions et magasins U participants sur magasinu.com. U, les nouveaux commerçants. Bougez pas, Bruno. Bon réveil la famille, tout à l'heure 7h30 il y aura la chanson du jour. C'est un beau message dans la chanson du jour. C'est Stéphane qui veut qu'on appelle son chéri pour une demande d'adoption quand il va revenir en France. Oh, j'adore. Un truc qu'on n'a jamais fait. Ouais, j'adore l'idée. Ce sera tout à l'heure, 7h30. Fun Radio. Le son Fleur. On fait le point sur l'actu là de ce jeudi 13 octobre. Toute l'info en deux minutes, c'est Maxime Poulaouec pour les news. Salut Max. Et salut Bruno, bonjour à tous. Et on commence par la météo. Un temps nuageux et pluvieux sur les trois quarts de la France aujourd'hui. Et particulièrement agité dans le sud avec des orages et du vent. L'Aude et l'Hérault sont en vigilance orange pour inondations et fortes pluies. Les Bouches-du-Rhône pour vent violent. Ce sera comme ça pendant deux jours. Aujourd'hui, le soleil résistera uniquement dans le nord-ouest. Il fait 5 à 8 degrés au réveil. Un peu plus dans le sud pour votre après-midi. Comptez 11 à 15 degrés, jusqu'à 20 à Perpignan. Les gamers l'attendaient avec impatience. Le casque de réalité virtuelle de Sony, le PSVR, sort aujourd'hui. Vous allez vous croire dans le monde dans lequel vous jouez. Immersion totale. Selon Xavier Bellel, rédacteur pour le site de jeux vidéo, julientelouk.com. Est-ce que c'est une révolution? Je ne sais pas. Mais en termes d'immersion, c'est vraiment ce qui se fait de mieux, surtout si c'est couplé au PlayStation Move, les manettes de reconnaissance de mouvement de la PS4, car dans ce cas, on a vraiment l'impression d'être plongé dans un monde virtuel et de pouvoir interagir avec. Le casque fait 600 grammes, mais le poids est vraiment très bien réparti devant et derrière, ce qui fait qu'on peut vraiment faire des longues sessions sans être gêné. C'est vraiment le maître mot à retenir, c'est l'immersion. Et des nouvelles sensations avec le PSVR disponible aujourd'hui à un prix de 399 €. À gagner également cette semaine en écoutant Bruno dans la radio. 7 candidats face aux Français. Le premier débat de la primaire de la droite et du centre se déroulera ce soir. Une femme et 6 hommes pendant 120 minutes. C'est à partir de 21h sur RTL. Les confidences de François Hollande. Le président s'est confié à deux journalistes du Monde. Le livre intitulé « Un président ne devrait pas dire ça » sort aujourd'hui. À 700 pages dans lesquelles il commande son action, ce livre et multiplie les pics. Et puis en football féminin, l'Olympique Lyonnais s'est facilement qualifié hier soir pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Le champion de France et d'Europe en titre a battu le club norvégien d'Alvadnes. 7h03, vous êtes sur Fun Radio avec Bruno et toute son équipe. Bon réveil. Bruno on Fun Radio. Jeudi, c'est le 13 octobre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 7h04. Bienvenue sur la première radio Dance Floor de France, la famille. Vous avez choisi Fun Radio, bah, soyez là, chez vous, comme chez vous. Et votre réflexe tous les matins entre 6h et un peu plus de 9h, je vous en mets plus, ça ne fait rien. Il y a Christina qui est là ce matin. Bonjour. Il est là mon Vacher. Bonjour. Il est là mon Elliot. Bonjour. Que, je ne sais pas si vous avez reçu, vous aussi, le mail du gars qui est en train de prévoir les nouveaux bureaux. Vous savez qu'on va changer de studio Fun Radio, c'est prévu pour dans un an. Et il commence à voir les gens pour savoir ce qu'on veut. Et moi, ça me fait chier. Le mec, ça fait trois fois qu'il veut qu'on se voit, d'accord ? Ouais. Il veut qu'on se voit à déjeuner. Et ce matin, voilà, je vous l'avoue, je le dis, c'est l'heure où il n'écoute pas. J'ai à nouveau trouvé une excuse pourrie. Alors que ça fait 10 jours, j'ai dit non, mais c'est bon, franchement, on peut déjeuner le jeudi 13. Et j'ai encore trouvé une excuse à la con. Ça va, c'est quoi, oh, c'est quoi, hey, oh. C'est quoi l'excuse là ? C'est genre un truc de boulot ou tu l'as joué la santé ? Je lui ai dit que j'étais bloqué, pour, j'avais un rendez-vous pour la télé. Mais on fait tout ça, Bruno. Qui n'a jamais menti pour éviter un déjeuner ? Voilà. Personne. Voilà. C'est quoi, moi, je. Je voudrais qu'on relance ce sujet. On l'avait fait il y a quoi ? Il y a 2-3 semaines ? Ouais. Tu sais, on avait lancé le hashtag qui n'a jamais, qui avait cartonné sur Qu'est-ce Twitter. Qu'on avait ri surtout. On pourrait le relancer ce matin. On avait dit qu'on le referait en plus. Allez, vas-y. Le hashtag qui n'a jamais. Tu sais, les trucs qu'on fait, tu te dis, ouais, ça va, qui n'a jamais fait ça. T'es sûr, avant qu'on avait ouvert une boîte de Pandore. Là, ouais, mais c'est vrai qu'il y avait des trucs qui nous avaient fait rien. Tu vois, par exemple, le week-end dernier, dimanche, j'ai joué au Monopoly avec mon fils. Ouais. Je tenais la banque. Je me suis, un moment où j'étais un peu en galère, je me suis filé de billets de 50 000. Bah, bien sûr. Hey, qui n'a jamais triché au Monopoly quand Évidemment. Tu tires la banque ? Qui n'a jamais fait semblant de dormir alors qu'il avait lâché une caisse pour pas que sa copine le juge ? Je vous jure sur ma vie, sur la tu vie de toute ma famille et de mon enfant que ça m'est arrivé à la maternité. Pour la première fois, je m'étais assoupi sur le fauteuil et là, j'ai lâché une caisse. Et j'ai dit, ok, j'ouvre pas les yeux. Je veux pas que ma femme elle me juge, laisse tomber, je fais semblant que je dors. C'est quoi, regarde, ça y est, en quoi, en une minute, ça a commencé déjà à briller. On sait que c'est un terrain glissant, là, qui n'a jamais. Hashtag qui n'a jamais. Allez, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, vous vous lâchez. Et on se fait une petite salve là dans 15 minutes. Faites-nous rire. Celui-là, il est sob. Qui n'a jamais fait tomber un truc par terre et l'a remis dans le plat alors qu'il recevait des gens à manger. Évidemment. Ou même hashtag qui n'a jamais ramassé un truc et mangé un truc qu'il avait fait tomber. Et qui n'a jamais retrouvé un crocodile, un bonbon derrière un canapé plein de poussière, l'a rincé, l'a mangé. Non, ça y a que toi pour faire ça, Elliot. D'accord. Surtout que ça appartenait sûrement encore au locataire avant toi. Ouais. C'est dégueulasse. Il était bon, pour ceux qui veulent savoir. Bon, les amis, et ben voilà, hashtag qui n'a jamais. On s'en fait une petite série, 32-28. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, vous pouvez faire de la radio avec nous, vous appelez, on vous attend au standard et vous passez à l'antenne en direct. Bruno. Vacher time de ce matin. Vacher, comme chaque matin, vous le savez, si vous avez un téléphone, il peut vous piéger. Et aujourd'hui, t'as fait un test de culture générale. Voilà, de temps en temps, je fais des tests de culture G, mais en général, c'est vrai que mes questions sont un peu cheloues. J'aime bien tomber sur des gens qui s'en rendent pas compte et qui me répondent n'importe quoi en ayant l'impression d'être quand même pas mal intelligent. Ouais, et là, le mec est pas mal. Il est équipé. Vous allez voir. Oui, allô ? Bonjour monsieur Vacher, je fais des tests de culture générale par téléphone. Oui. C'est vous qui avez été tiré au sort aujourd'hui, vous voulez bien participer ? Oui, mais il n'y a pas de problème. Grammaire, pour commencer. Dans la phrase, le ciel au-dessus de l'autoroute, quel est le verbe ? Aucune idée. Oh ! Autoroute. Exactement, pourquoi vous dites aucune idée ? C'est quel verbe ça, autoroute ? Le verbe ? Autourouter. Autouroutir, par contre, c'est du troisième groupe. D'accord, autouroutir. Mais c'est bien, vous commencez bien. Sport maintenant, savez-vous quel pilote de Formule 1 a remporté le dernier Grand Prix au Japon avec sa voiture personnelle, parce que sa F1 était en panne ? Ouf, alors en plus, Formule 1. De tête, Hamilton. Et de tête, c'est une bonne réponse, c'est Hamilton Lewis, de son prénom, qui a remporté le Grand Prix avec sa Kangoo, tout le monde s'en souvient. Oui, c'est sûr. Animaux maintenant, on sait que le chien aboie, que le cheval hennit, mais savez-vous quel cri pousse la moule ? Ah ben non, pas du tout. Ah ben je vous le dis, c'est un fruit de mer qui fait « Y'a caca, flou !» D'accord. On va s'imaginer qu'on est sur la plage et vous allez me faire le cri de la moule. D'accord. Regardez les enfants, on passe un bon moment. Oh oui papa, mais regarde, il y a des moules qui nous attaquent. Il y a caca flou. Oh mon dieu, elles sont dangereuses. Il y a caca flou. Mais elles fument trop de Marlboro par contre. Le cri de la moule. Il va peut-être le dire à ses enfants. C'est vrai. Et papa, il vous expliquait les moules, il faut y a caca flou. Ah oui. Dans 3 minutes, Fun Radio est la seule radio en France à payer vos factures. Peut-être vous, si vous vous êtes inscrit. Je vous appelle après Mike Perry, The Ocean. You can be my guiding light. keep me company in the night. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border, like the air I breathe. I let you in, keep me warm underneath my skin. Cause I'm giving in to your touch. I can never get enough. Diving deep into the ocean. Sur Fun Radio à l'instant. Pitbull Florida, ça arrive dans quelques secondes. Hashtag qui n'a jamais. On l'a relancé là ce matin sur Twitter. Il nous avait fait bien marrer là il y a quelques semaines. Il y a Nelly du Soleil qui dit qui n'a jamais fait semblant de parler au téléphone alors qu'il n'y a personne. Bien sûr, quand tu veux éviter une conversation. Oui. Mille fois, ça m'est arrivé. Dites-moi que vous avez assisté au téléphone qui sonne alors qu'il y a quelqu'un qui faisait ça. Ah ben moi je l'ai eu avec un gars que vous connaissez qui bossait en radio. Si, vas-y, bah non. Mais si, le seul gars que je peux pas blairer en radio. Il n'y en a pas mille. Bon, je bref. Sais pas, moi. Ouais, donc en gros, ça lui est arrivé, quoi. Et ouais, il faisait croire qu'il était au téléphone avec un patron de club de foot. Ouais. En mode, je pouvais. Et son téléphone a sonné. Ah, la honte. Mais énorme. Le gars a quand même dit je suis un double appel. Ben non, mec, il n'y a pas de double appel avec la sonnerie. En fait. Il y a Picsou qui dit qui n'a jamais essayé de fuir le regard d'un prof lorsqu'il dit qui veut venir au tableau. Bien sûr. Oh putain, oui, tu m'étonnes. Il y a Pierre qui dit qu'il n'a jamais mâché 4 chewing-gums à l'amande parce qu'il n'avait pas le temps de se laver les dents. Et qui n'a jamais fait croire à ses petits cousins qui jouaient à la PlayStation alors que les manettes étaient débranchées et que c'est nous qui jouions. Ouais, c'est vrai. Qui n'a jamais félicité 2 fois dans la même journée 2 femmes pour leur futur bébé alors qu'elles n'étaient pas enceintes. Ah. Et ben moi, une fois, ouais, ça m'est arrivé. 2, ça s'appelle deux, la loose. Beaucoup, ouais. Hashtag qui n'a jamais, les amis. Petit Sébastien qui dit qui n'a jamais. Non, je rentre à pied pour éviter de monter dans la voiture sans permis d'un collègue. Non, ça jamais, ça. Sébastien. Mais je crois que c'est ce qui m'avait fait rire la dernière fois. On l'avait fait, c'est que des fois, il y a des gens qui avaient posté des trucs en disant non, ça on l'a jamais fait. Oh, il se lâchait, ouais. David qui dit qui n'a jamais appuyé plus fort sur la télécommande de la télé alors que les piles sont neuves. Ouais. Bien sûr, ah bah oui, oui. Mais ça, c'est le même délire de qui n'a jamais rappuyé sur le bouton de l'ascenseur alors qu'il est déjà mis ton étage. Ah bah et oui, tu te sens obligé de le faire, bien sûr. Hashtag qui n'a jamais. Pathé qui dit qui n'a jamais fait pipi par-dessus le balcon du 6e étage. Bah personne. Il va commencer à y avoir des trucs chelous. Genre qui n'a jamais fait un trou dans une peluche pour se donner du plaisir. Non. Moi quand j'étais adolescent, bref. Oh, bon. Et c'est horrible ce qui vient de se passer. Vous savez, ça arrive des fois. Là, on vient de vivre 5 secondes. Un déjà vu. Ouais. T'as eu un déjà vu. C'est horrible. Ce alors, genre tu sais de situation. C'est juste, en fait, c'est ton cerveau et tes yeux qui sont oui, pas connectés. Je sais, j'ai déjà eu ces discussions. T'es fatigué, quoi, en gros. Mais ça fait peur. Ça fait peur. C'est-à-dire que j'ai l'impression, tu sais, où tu dis, je suis dans une faille spatio temporelle, il vient de se passer un truc. Spoil pas la fin. Que j'ai déjà vécu. Ne dis pas, nous, on veut dans la fin, il y a un monsieur qui rentre avec une tronçonneuse, je me souviens, qui croupait Christina en deux. T'es sûr? C'est un délire. Ah, il y a quelqu'un qui arrive là dans le studio. Allez, 7h15. Bruno, allô? Paye vos factures. Oh, il est adorable. Tous les jours, 7h15, 8h15 en direct sur Fun Radio. Je suis le seul animateur radio de France à payer vos factures. Et vos factures, on va vous les payer. Peut-être que ça va tomber sur vous si vous l'envoyez à facture@funradio.fr ou si vous la déposez sur le site brunopayevosfactures.fr. Ah, tu prends cette voie-là maintenant? Ouais, j'avais envie. C'est un délire. On part du côté de Paré Vieille Poste. Paré est magique, ça pourrait marcher. C'est dans l'Essonne. C'est moins populaire. Mais... On part chez Séverine. Séverine. Allô? Oui. Séverine? Allô? Oui. Bonjour Séverine. Bonjour. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? Oh putain, Bruno de la radio. Eh ben voilà. Séverine, oui. Que fais-tu dans la vie à Paris Vieille Poste? Eh bien, je suis agente administrative. Agent administratif. D'accord, très bien. Séverine, tu m'as envoyé une facture de 390 €. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est l'inscription au sport de mes enfants, donc au judo et jujitsu. Alors, le judo, je vois ce que c'est, j'en ai fait. Ouais. Le jujitsu. Le jujitsu. Je crois que c'est ce que fait mon papy. Tout le temps, il dit « Je me chie dessus, je me chie dessus !» Non, c'est du self-défense, c'est de la même famille que le judo. Ah d'accord, pardon. C'est ça, exactement. Ah oui, c'est-à-dire... Plus avec des petits coups, des petites armes. Ouais. En fait, c'est ouais. En cas de baston dans la rue, le mec qui fait du karaté, il s'en sort. Celui qui fait du judo, il s'en sort à peu près. Celui qui fait du jujitsu, c'est me tape pas trop. Ah bah pas du tout. Au contraire, t'apprends justement parce que moi j'en ai fait un petit peu aussi. Par exemple, s'il y a, très bonne vanne. Mais j'en ai fait en même temps que le judo parce que ça va ensemble. Quand il y a un mec qui arrive vers toi avec un couteau, par exemple, ouais, bah tu apprends à parer ce coup de couteau et à lui faire une prise pour le faire chuter. C'est pour ça qu'elle habite à Paris Vieille Poste. Si quelqu'un t'arrête avec un couteau. Ah, bien sûr, ou des baguettes chinoises, il peut te crever les yeux avec. Bien sûr, si la personne veut t'étouffer avec un M. Bien sûr, s'il veut t'étouffer, s'il veut te noyer dans une soupe miso. L'éviter. Eh bien, Séverine, grâce à toi, nous avons parlé de jujitsu, ce qui fait toujours plaisir. 390 €, c'est cadeau, c'est pour moi. Ah, bah c'est gentil, merci beaucoup. Eh ben de rien, on t'envoie le chèque vite. On te fait des bisous, Séverine. Merci, au revoir. Bisous. Ciao, ciao. Les amis, tiens, rapidement, parce que vous êtes des bombasses, et moi, je veux le dire, voilà, les auditeurs de Fun Radio sont les meilleurs auditeurs du monde. On a lancé le sujet, il y a quoi? Il y a à peine 10 minutes. Et le hashtag qui n'a jamais est déjà numéro 1 au Top Tweet France, c'est le sujet dont on parle le plus sur Twitter. Vous balancez vos messages, là, hashtag qui n'a jamais, et on va revenir vers vous dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. 32-28, ça marche aussi. On peut en balancer là quelques-uns rapides qui viennent d'arriver sur Twitter. Vaché. Il y a Aurel qui dit qu'il n'a jamais essayé de manger un suppositoire. Il n'y a que toi, mec. Il y a Mister Luc qui dit qu'il n'a jamais cherché ses lunettes partout alors qu'elles sont sur sa tête. Bah, bien sûr. Évidemment. Il y a Léa qui dit qu'il n'a jamais été chez Sephora juste pour se parfumer. Bah, bien exactement, sûr. Ouais, en loose day. Marc Audouin qui dit qu'il n'a jamais roulé dans une flaque d'eau alors que quelqu'un était sur le trottoir. Non, oh, ça c'est chiant. Ouais, mais ça c'est mon jeu préféré, moi. Ça j'aime bien. Surtout quand la nana est un peu prout-prout, gardée, ça me fait rien. Allez, on revient avec Pitbull et Florida. C'est Fun Radio, à tout de suite. Votre téléphone commence à fatiguer. Vous voulez le nouvel iPhone 7? La seule solution, écoutez Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun, avec les tubes de Sound of Legend et Sac Noël, mixés à la suite. Les trumpets blow. Soyez le plus rapide, appelez Fun Radio, 3228. Et vous gagnez votre iPhone 7. Vous êtes les meilleurs! C'est le double fun, sur Fun Radio. Elle est pas belle, la vie? 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Blablacar, Blablacar. Bonjour, vous êtes Mélissa pour Lyon? Et vous devez être Adrien, c'est ça? Vu votre maquillage, vous êtes fan de foot, vous.

Bienvenue sur Fun Radio dans 6 minutes, 7h30. On arrête la parlotte et on dépote. Vous êtes prêts? Jeudi, c'est le 13 octobre. On a relancé ce matin le hashtag qui n'a jamais. On l'avait fait il y a quoi? Il y a 3 semaines. Il nous avait tué de rire. On l'a relancé ce matin. Voilà. Le qui n'a jamais. On avoue nos petits moments de solitude. Qui n'a jamais. On dirait le nouveau single des Magic Sisters. Qui n'a jamais. Qui n'a jamais. Alors, trop chaud sur la plage. Qui n'a jamais mis trop de rhum dans un petit poche. Qui n'a jamais trop zouké au point d'avoir mal aux jambes. Bien sûr. Ah ouais, on est créole dans le fond. Qui n'a jamais prolongé l'heure de la sieste jusqu'à 17h. Qui n'a jamais. Oh. Qui n'a jamais dansé sur la compagnie créole toute la nuit. Qui n'a jamais. Qui n'a jamais fait une sieste crapuleuse alors qu'il était au travail. Ah putain. Qui n'a jamais fait des blagues un peu border. Attention, faut qu'on s'arrête. Qui n'a jamais caché un fruit dans son bonbon. Il y a Tristan Lapierre qui a tweeté avec le hashtag qui n'a jamais, ça me fait rire, qui n'a jamais bégayé en tchécoslovaque quand tu reçois un SMS et que ta copine te dit c'est qui. Et ça, dans ces cas, tu réponds Tristan. Qui ça? Une collègue. Hashtag qui n'a jamais. Allez, on a Alexandre, il est à Nice. Salut Alex. Salut Bruno, salut toute l'équipe. Alors, salut. Qui n'a jamais recopié un devoir 5 minutes avant d'avoir cours parce qu'on vient d'apprendre que c'est ramassé par le prof et noté. Eh, c'est vrai, ça marche. Ah ouais, ça, ouais. On l'a tous fait, ouais. Où tu te dis je vais y aller à la cool et au dernier moment tu te dis et puis tu repiques le devoir d'un pote et si c'est le meilleur pote de la classe. Si c'est le meilleur de la classe, lui a un 17 et avec la même copie, t'as un 12. Bien sûr. Ça, j'ai eu ça, ouais. Je t'embrasse, Alex. Pierre, 29 ans, monte la jolie. Salut, Pierre. Bruno dans la radio. Oh, oh, salut, la famille. Salut, mon pote. Qui n'a jamais fait des appels de phare pour prévenir qu'il y a des flics à d'autres flics? Eh oui, c'est vrai. À d'autres flics. C'est pas mal, ça. Ça m'est jamais arrivé. C'est arrivé un pote. C'est arrivé un pote qui a fait des appels de phare à une voiture qui arrive en face et la voiture a mis les gyrophares tout de suite. Et le mec a une amende. T'as pas le droit de faire des appels de phare. Non, bien sûr. Pour prévenir. Ouais, ça dépend. Ouais, moi je pourrais même rajouter qui n'a jamais fait des appels de phare parce que tu te faisais chier en voiture et pour faire croire au gars qui avait un contrôle de flic alors que ça l'avait pas. Moi ça j'ai fait plus en sale gosse. Je t'embrasse, Pierre. Il y a Mickaël qui dit qui n'a jamais dit qu'il était malade le matin au boulot alors qu'en fait il s'était pris une grosse cuite la veille. Oui, c'est vrai. Il y a Johan qui dit qu'il n'a jamais réduit le son au minimum de sa télé quand il a zappé sur un film de cul. Bien sûr. Mais tu parlais de trucs en voiture, mais qui n'a jamais foutu un coup de klaxon et dit bonjour de l'autre côté du trottoir? Et les gens, ils te regardent. Vous avez jamais fait ce jeu en voiture? Ah, si, mais c'est très dur à expliquer. C'est plus facile et drôle à voir qu'à expliquer. Ça, c'est dur. Bon, bah, à dans 2 heures. Il y a Kevin Bertin qui dit qu'il n'a jamais lâché un petit pétou incontrôlé quand il éternue. MDR. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Et si t'as de la chance, le pétou cache le bruit de l'éternuement. Pour ceux qui ont honte d'éternuer. Ah ouais? Qui n'a jamais dit, on arrive en retard en cours, désolé madame, c'est à cause du bus? Ouais, bah tout le monde. Bah bien sûr. Ouais, tout le monde. Alors moi, c'était plus compliqué, il n'y avait pas de bus. Tu allais comment à l'école? Oh là là, attention. Oh là là, je sens qu'on le moment triste, alerte moment triste, histoire de Bruno, de son enfance. Mais non. Alerte. La pneumonie. T'as eu une petite pneumonie. Tu y allais à pied? Mais non, j'y allais en vélo. Oh, ah, avec ton vélo qui avait qu'une roue? Non. Et du coup, t'étais obligé de cabrer? D'ailleurs, à l'époque, j'y allais pas en vélo, les amis. J'y allais en bicloun. Ah, oh, c'est quoi un bicloun? On appelait le vélo un bicloun, ça faisait super fort. T'as vu mon bicloun? C'est quoi ça, rapport? Et avec ton bicloun, t'allais à la pistoche? Non, c'était des beaux d'argot. Mais tu peux pas y aller juste en vélo, il y avait un truc, il y avait qu'une pédale ou un truc comme ça. T'avais une petite sonnette sur ton vélo? Hein? Une petite sonnette, un petit panier? Non, d'ailleurs ça, moi j'en avais pas. Mes potes, ils avaient des super sonnettes qui faisaient des bruits et moi rien du tout. Je suis sûr que le tien, il grinçait. Non, mais tu sais, j'accrochais une petite carte à jouer dessus derrière avec une épingle à linge, comme ça faisait le poids d'une mobilette. Ouais, t'avais 18 ans alors que tes potes ils roulaient en Harley Davidson. Je t'emmerde. Et tu galérais sur l'autoroute pour les suivre. Attendez-moi. Sandra, 28 ans à Vichy, bonjour Sandra. Bonjour. Sandra, hashtag qui n'a jamais. Qui n'a jamais fait l'amour sur le son de Nico le pervers. Ah, sur quoi? Sur Je suis en feu? Ah bah oui. Mais Sandra, tu l'as déjà fait? Oui, ça nous est arrivé une fois. Ah bon? Ah, bah, ça me bah, y a fait... que toi, je pense. J'allais dire plaisir, mais plus bizarre que plaisir. C'est vrai, non, mais surtout, la chanson est bizarre. Ouais. T'es un peu... Et Sandra, on va pas se mentir, t'es un peu chaude. Un petit peu, mais oui. Bon, c'est l'histoire. Oui, voilà. Ouais. Non, mais je peux elle comprendre. Elle est en feu. Quoi. C'est t'es du vrai. Genre à faire l'amour sur de la musique douce, genre... Vas-y, prends-moi. Tiens, bah, et justement... La version originale de Nicole Perver, Soprano, arrive sur Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder. Calvin Harris. David Guetta. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Avant, vous faisiez collection de vos anciennes lunettes. Et là, nous avons un modèle authentique des années 80. Mais ça, c'était avant. Avec les reprises Kris, vos anciennes paires servent enfin à quelque chose. Rapportez vos anciennes lunettes et recevez jusqu'à 75€ de réduction sur votre prochaine paire. La fondation Kris Group redistribuera les anciennes à ceux qui en ont besoin. Kris, vous allez vous aimer. Reprise jusqu'au 10 janvier 2017 chez Kris. Réduction valable jusqu'au 28 février 2017 sur votre prochain équipement optique ou solaire. Conditions en magasin, dispositif médical, consultez un professionnel de santé spécialisé. Jusqu'au 25 octobre, tout doit disparaître chez Conforama. Jusqu'à moins 50% en meubles, déco et électroménagers. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. Bougez pas, Bruno. La chanson du jour arrive là dans moins de 2 minutes. On a un beau message là à faire passer de la part de Stéphane. On va l'avoir en direct du Brésil. Là-bas, il est quelle heure? Il est 2h35 du matin, je crois. Ouais, bon, bah donc on va être en pleine nuit hein, au Brésil. A tout de suite. Fun Radio. Le son. Fun. Le point sur l'actu de ce jeudi, c'est le 13 octobre. C'est Maxime Poulaouec sur les infos. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On démarre par la météo. Temps très agité dans le sud avec des nuages, des pluies orageuses et du vent. 3 départements sont en vigilance orange. Pluie, inondation et vent. L'Aude, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône. Les nuages et la pluie remonteront jusqu'en région parisienne au cours de l'après-midi. La Bretagne et le Cotentin resteront à l'écart avec du soleil. Il fait 5 à 8 degrés ce matin. Un peu plus en bord de mer. Au plus chaud, comptez 10 à Ambérieu, 12 à Paris et Amiens, 13 à Rochefort et Aurillac, 14 à Quimper, 16 à Albi, 20 degrés pour Perpignan. Et face aux intempéries, les cours sont suspendus aujourd'hui dans l'Hérault, écoles, collèges et lycées. Les portes de la foire internationale du Parc des Expos de Montpellier resteront fermées toute la journée. 2 heures de combat, le premier des 3 débats de la primaire de la droite et du centre aura lieu ce soir. Coup d'envoi à 21h sur RTL et TF1. 7 candidats, 6 hommes, 1 femme, ils auront chacun la parole pendant 17 minutes. Un président de ne devrait pas dire ça, c'est le nom du livre de 2 journalistes du Monde apparaître aujourd'hui. François Hollande se confie, il commande son action et multiplie les pics. 700 pages nourries d'une 60aine d'entretiens tout au long de son quinquennat. Les vacances de Noël approchent, la SNCF met en vente à partir d'aujourd'hui ses billets de train pour des réservations entre le 11 décembre 2016 et le 2 février 2017. Seuls les premiers clients pourront bénéficier de tarifs promotionnels, par exemple 20€ pour un voyage TGV entre Paris et Rennes, 15€ en intercité entre Paris et Clermont-Ferrand. Rendez-vous dès maintenant sur voyage-sncf.com. Puis c'est la grande nouveauté jeu vidéo, le PlayStation VR sort aujourd'hui. Il s'agit du casque de réalité virtuelle de Sony adapté pour la PlayStation 4. Il plonge les joueurs en immersion totale. Ce bijou technologique est en vente à partir de 399€. Et c'est à gagner toute la semaine en écoutant Bruno dans la radio, 7h33. Bonne matinée sur Fun. C'est Bruno dans la radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. Le son dance floor. Bonjour la famille, 7h33, vous écoutez Fun Radio, vous écoutez Soprano. L'album de Sopra sort lundi, c'est ça hein? C'est le 17, c'est lundi? Il sort vendredi, mais on le reçoit lundi. On est les premiers à le recevoir le matin. Ok, donc il sera chez nous. Grosse semaine la semaine prochaine, Soprano lundi, mercredi on a... Mardi on a Jean Dujardin, ouais, c'est bien. Ouais. Parakeet ça arrive. Jennifer Lopez également, Ain't Your Mama. Et Bruno Salomon il vient ou pas? Il y a oui. Bruno Salomon, ah, ouais, mais bien. Les deux viennent. du jardin, il est chaud bouille à l'idée de venir. Ah, parce qu'on se connaît un petit peu. Voilà. Il m'a dit, voilà, il y a plein d'émissions qu'il a fait parce qu'il était obligé pour la promo, mais il est très très content de venir chez nous. On n'est pas à l'abri de se marrer. On a hâte. D'ailleurs, et vous savez quoi, pour Jean Dujardin qui sera là mardi, je vais vous faire un kiff. Un truc, voilà, vous verrez un truc que vous n'avez jamais vu. Ah oui, ouais, je vous le dis. Ouais. Vous avez même touché un truc que vous n'avez jamais touché. C'est vrai? Ah oui. C'est un tub. Non. Moi, ça me déplaise. Ah, toucher, c'est un tub. C'est ça qui est bon dans cette émission. On va là où les autres, ils vont pas. Tu te calmes. Faites revenir Vacher. Faites revenir Vacher. La personne qui est là me fait peur. Pardon. Hashtag qui n'a jamais. On va peut-être se refaire une série là parce qu'on est toujours en Top Tweet France. Là, on a lancé ça ce matin. Et vous êtes comme des ouf. Vous faites plaisir hein, vraiment sur les réseaux sociaux. Il y a Thomas qui dit qu'il n'a jamais été pris d'un fou rire alors que le moment n'est pas drôle du tout. Ça m'est arrivé une fois à un enterrement. Je ne le souhaite à personne. Horrible. C'est horrible. Horrible de chez horrible. T'enterres quelqu'un de ta famille. Je vous jure, ça m'est arrivé. Hein. Je vous parle de ça il y a une quinzaine d'années. Hein. Enterrement de mon oncle. Je ne sais, mais je pense que c'est les nerfs. En fait. Oui, c'est ça. C'est je pense qu'à un moment c'est nerveux et que t'as besoin d'évacuer. Hein. D'évacuer et que voilà quoi, tu as trop pleuré, ça passe sur le fou rire. Un fou rire, les amis. Mais horrible de chez horrible. Et les gens te regardent et trouvent ça super irrespectueux. Bah ouais, ah oui. Surtout que c'était toi qui touchais l'héritage. Donc ils se sont vraiment posé des questions. Du tout. Il y a Lisa également, hashtag qui n'a jamais, qui dit qui n'a jamais dit en cours madame, j'ai fait mon devoir, mais je l'ai oublié chez moi. Oui, alors ça, évidemment, il faut le savoir. Tous les profs connaissent cette excuse. Là, t'as quelqu'un qui est en train d'écouter dans la voiture et qui comptait faire ça en arrivant en cours à 8h et qui se dit merde, je suis grillé. Qui n'a jamais fantasmé sur sa voisine? C'est Mickaël qui dit ça. Bon, alors moi, ça s'est calme puisqu'elle a 92 ans. Ouais, Jacqueline. Ça limite un peu. Elle est adorable, hein, Jacqueline, hein, vraiment. Mais bon, pas de là à fantasmer sur elle. Hein. On peut se refaire une petite série là. Hashtag qui n'a jamais. On a comme un petit problème. Oh. Le jeudi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du jeudi. Oui. J'espère que la liaison va être bonne. Faites sonner le clairon pour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Salut. Il a la voix de 2h30 du matin. T'es au Brésil. Pourquoi t'es au Brésil, Stéphane? Pour le boulot. Tu fais quoi comme métier? Je suis dessinateur. Dessinateur. D'accord. T'es à Curitiba, au Brésil. Bah, tu sais que nous, on a une affection particulière pour le Brésil, puisque Mariana, la femme de Vacher, est d'origine brésilienne. Curitiba, c'est où par rapport à Rio? C'est dans la lignée Rio-São Paulo, en fait. Voilà, c'est en dessous de l'état de São Paulo. Hein, d'accord. Ok, merci de la précision. Et a gente pode falar português, se você quer. Você entende quando eu falo? Oh, l'autre. Apparemment, tu parles pas portugais, non? Non, d'accord, ouais. Donc, je suis vraiment passé pour un con pour rien. Bon, Stéphane, tu m'as écrit à bruno@funradio.fr. Moi, j'ai aimé ton message, voilà, pour plein de raisons. Parce que ça me touche à titre personnel et puis parce qu'on l'avait jamais fait. Tu veux qu'on fasse un message ce matin à ton chéri qui s'appelle André. André, il a 28 ans, il est à Lyon. Tu m'as expliqué que vous étiez en couple depuis 4 ans. Pas facile, hein, quand t'es en couple, de te barrer en déplacement pendant un an au Brésil. Non, je suis parti 3 mois, hein, mais... Ah, 3 mois, d'accord. Quand même. Ah, c'est chaud. C'est dur, je crois que c'était un an. Et non, un an, c'est le mec de notre boss qui est parti un an. Ah, même 3 mois, tu vois, tu galères pour les blablacars, pour y aller un week-end ou quoi, tu vois, c'est pas le top, quoi. Vous vous êtes rencontrés sur le net, vous filez le parfait amour, et là, tu dis que voilà, il va te rejoindre prochainement. T'as une idée qui te trotte dans la tête depuis plus d'un an, qu'est-ce que c'est? C'est d'adopter un petit bébé. D'accord. Tu lui en as déjà parlé ou pas? On en a déjà parlé, oui. D'accord. Mais rien de... Enfin, on n'a rien lancé comme démarche encore, quoi. D'accord. Vous êtes déjà paxé, hein, c'est ça? C'est ça. D'accord. Démarche d'adoption, alors, parce qu'on en est où en France par rapport au couple homosexuel? Alors, c'est autorisé, mais c'est assez compliqué, parce que ça dépend de la personne qui va enregistrer sa demande. Ouais, pour l'instant, c'est la PMA qui est interdite, mais on peut adopter, par contre, hein, c'est ça, on en mais est là pour l'instant. C'est très très long. Mais c'est compliqué, bien sûr. Et c'est vrai que moi, comme je dis souvent, hein, vaut mieux un enfant heureux avec un couple homosexuel que malheureux chez un couple hétéro, mais ça n'est que mon avis. Bon, Stéphane, pendant que je suis en train de te parler, ton mec est en attente au standard, il ne sait pas pourquoi on va l'appeler. On va le prendre en direct, on lui fait passer le message, puis après tu lui dis toi, d'accord? Ouais. Okay. Eh ben c'est parti, mon pote, tu bouges pas. Au téléphone avec nous ce matin, il y a André. Bonjour André. Bonjour. André, je m'appelle Bruno Guillon, tu es en direct sur Fun Radio. Ah, d'accord. Et si tu es sur Fun Radio ce matin, je vois que déjà ça te rend heureux, c'est plutôt... une bonne chose. J'écoute Ah ouais? Ah bah si oui. T'écoutes Fun Radio. Oh là là, tout d'abord. Ouais, c'est quelqu'un de la famille. Non. Alors attends, rassure-moi, t'étais pas en train d'écouter il y a 5 minutes, sinon la surprise est foutue. Non, pas du tout. Eh ben très bien. Ouf. Alors, chanson du jour, André. Ce matin, c'est pour toi. J'ai un message de la part de Stéphane. D'accord. T'écoutes les paroles, on en parle juste après. Oui. Eh ben c'est parti. Depuis un an, j'ai un rêve à réaliser. Alors je n'attends qu'une chose, c'est de rentrer. Je pense vraiment, vraiment plus qu'à ça, car je veux passer du rêve à la réalité avec toi. J'espère juste que tu te vexeras pas, mais mon chéri, tu ne me suffis pas. Je commence à avoir l'envie qu'on soit trois, que tous les soirs on puisse le prendre dans nos bras. Qu'on vive en permanence sous le même toit. Alors mon chéri, veux-tu adopter un enfant avec moi? Je suis sûr que tu seras le meilleur des papas. On a tellement d'amour à lui donner, tant de bonheur à partager. Veux-tu adopter un enfant avec moi? Je suis sûr que tu seras le meilleur des papas. Alors n'attendons plus une seule seconde, car je t'aime plus que tout au monde. Il a sorti sa belle plume, Elliot. Ah, bravo, Elliot. André, est-ce que tu as compris le message? Oui, oui. Oui, bien entendu. Bon. Moi, je n'attends aucune réponse de ta part, bien sûr. Par contre, je connais quelqu'un qui, lui, aimerait savoir ton ressenti là-dessus. Stéphane! Oui, bonjour. T'es en direct avec ton chéri, mon pote. Ça va? Oui, ça va. Ah, d'accord. Est-ce que tu as compris, alors, le message? Oui, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais... Ah, oui. Et alors, oh. Tu es d'accord? Sur le principe, oui. Oui. Ça veut dire quoi, oui, sur le principe? C'est un peu technique, oui. Ah, je veux dire, oui, pour moi, c'est pas trop où j'ai envie. Mais c'est juste le temps, il faut... Ah bah oui, bah ça. Il va falloir être un petit peu patient. Ouais. Il faut que vous soyez patient. Il y a le dossier à faire, etc. Mais après, voilà, déjà, faut que ce soit une envie commune. Si vous avez l'envie commune, l'envie est là. Bon, et bah si l'envie est là, c'est l'essentiel. André, prendre un chat d'abord. Hein, Stéphane. Ah, qui a dit ça? Il a dit quoi? Il a dit on va prendre un chat d'abord. C'est André qui a dit ça? Mec. Il y en a toujours un dans le couple qui est moins pressé de toute façon. Il veut commencer par le chat. Okay. Et André, Steph, je vous rassure, c'est la même chose dans les couples hétéros. Ah. T'as la meuf qui arrive en disant fais un enfant, tu veux pas qu'on prenne un chien? Calme-toi, voilà, change-lui la litière et puis on verra après. Bon, André. Oui, sur l'idée, ouais. Bon, moi, ça me tente bien. Cool. Voilà. Et ben vous savez quoi, soyez heureux l'un et l'autre. On vous embrasse fort. Oui, merci. Ciao, ciao. Gros bisous. Journée, bisous. Très tout bien. Tout ça, c'est que de l'amour. Voilà, c'est tout. Soprano arrive sur Fun Radio, je suis en feu. Et puis on aura Philippe au téléphone. Bonjour Philippe. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Salut. Coucou. Il pourrait être notre loser du jour, Philippe. Bah, tu sais quoi, il va être notre loser du jour. Pourquoi? Il va vous l'expliquer dans moins de 5 minutes sur Fun Radio. Votre téléphone commence à fatiguer. Vous voulez le nouvel iPhone 7? La seule solution, écoutez Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun, avec les tubes de Sound of Legend et Sac Noël, mixés à la suite. Les trumpets blow. Soyez le plus rapide, appelez Fun Radio, 3228. Et vous gagnez votre iPhone 7. Vous êtes les meilleurs. C'est le double fun, sur Fun Radio. Elle est pas belle, la vie? 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Salut, c'est Magali de Beauté Blog. Sephora. Le smoky des défilés, ce n'est pas réservé qu'aux stars. Chez Sephora, ils font ça très bien. Une soirée imprévue? À l'aise le regard de braise. Au Make-up Bar, le smoky, c'est gratuit et sans rendez-vous. Des experts qui savent faire, ça change tout. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité.

On va revenir sur le hashtag qui n'a jamais, on l'a relancé ce matin, on l'avait lancé il y a une quinzaine de jours, on avait eu des barres de rire, c'est reparti dans le même délire les amis. C'est-à-dire que là sur le hashtag qui n'a jamais, vous vous lâchiez depuis un peu plus d'une demi-heure maintenant, numéro 1 top tweet France, qui n'a jamais remarqué son chauffeur de bus refaire sa journée juste en croisant un autre bus. Mais qui est content de voir son pote. Oui, c'est vrai. Qui n'a jamais voulu rester sous sa couette quand il faisait trop froid dehors. C'est le délire du matin, c'est Christine qui poste ça à l'instant. Il y a Will J qui dit qu'il n'a jamais baissé le son et fermé les vitres en voiture quand une musique nous faisait honte. C'est vrai. Ça vous est jamais arrivé? Tiens, en délire de voiture, qui n'a jamais laissé la voiture sur la réserve de carburant pour que celui qui la prend après fasse le plein d'essence. En couple, ça, au début, tu peux faire ça. Dans la catégorie personne ne l'a jamais fait, qui n'a jamais sniffé de Larissa? Non, jamais, personne, ah bah ça. Non. Non, jamais de la vie. Il y a Alex qui dit qu'il n'a jamais remis le coca au frigo alors qu'il restait qu'un fond pour que sa femme le change. Mais bien sûr. C'est la même chose. C'est le même délire que le truc d'essence. Il y a Thibaut qui dit aussi qui n'a jamais été impressionné par certains pitous. Le mot pitou est de retour, Bruno. Ah, mais il me fera moins rire. Il m'avait fait rire une fois, pitou, c'est le loup de nez, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Donc, qui sort de ton nez pour aller sur le mouchoir, on se demande même comment c'est rentré. Merci. Et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner. Non, Olivier, il en a un, on a tous fait, qui n'a jamais pété un truc et l'a remis en place en espérant que le prochain qui le touchera pensera que c'est lui qui l'a cassé. Bien sûr. Ça, on l'a tous fait mille fois, on est d'accord. Surtout quand tu loues des maisons ou des apparts, quoi. Oui, c'est vrai, tu casses une maison, c'est bien connu. Non, mais il y a un objet dedans. Mais ça m'est arrivé avec une voiture. Moi, j'avais crevé une voiture de loc, mais ouais. Une petite crevaison. Donc j'ai été la regonfler, j'ai rendu. Comme ça, c'est le prochain qui va la prendre qui va se dire merde, j'ai crevé. Super, puis le prochain est parti. Ouais. Dans un virage, il a pris un virage qu'il a raté, puis ouais. Il a eu 14 morts. Bravo, Yann. Je m'en fous, c'était à l'étranger. Super. C'est en Islande. Magnifique. Allez, dans des minutes, 8h. Pour l'instant, je voudrais qu'on accueille Philippe qui est au téléphone. Bonjour Philippe. Bonjour Bruno, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Petite loose du jour pour Philippe. Est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, oui. Mon poteau? Eh ben, mardi, je suis allé à la préfecture pour récupérer mon nouveau permis de conduire. Pourquoi? Parce que tu t'étais fait retirer ton permis ou tu l'as fait changer? Non, du tout. C'est que j'ai passé mon permis moto. Alors du coup, il a fallu que je récupère mon nouveau permis. Et comme j'avais déjà un permis, on ne nous l'envoie plus. Maintenant, il fallait le récupérer pour rendre l'ancien. Donc j'arrive, je fais une longue file d'attente, après quoi je rentre dans la préfecture, on me dirige vers une file, je fais toute la file d'attente comme un bon citoyen, j'arrive à l'accueil. Combien de temps la file d'attente? Une bonne heure, ouais, une bonne ça. Heure à l'intérieur. Ouais. Voilà. Et à l'arrivée on me dit, oui, depuis combien de temps êtes-vous en France? J'y suis depuis toujours, je suis né ici. Elle me dit, mais vous venez pourquoi? Je viens pour mon permis de conduire. Elle me dit, mais c'est pas ici le service des permis de conduire, c'est l'étage au-dessus. Merde. Voilà. Du coup, j'ai dû aller à l'étage et j'ai refait toute une belle longue file d'attente. T'as dû de devenir fou. C'est ouf. Oui, Philippe, dès que t'habites dans des grandes villes, de toute façon, toutes les préfectures sont forcément des grandes villes. Oui. Mais c'est une tannée, les préfectures. C'est horrible. Les amis, mais c'est une tannée. Et après, alors moi, j'ai eu de la chance. La dernière fois où j'y suis allé, c'était pour un passeport. C'était à Saint-Germain-en-Laye, parce que je suis dans le 78, dans les Yvelines. Ouais. Et je suis tombé sur une nana adorable. Mais honnêtement, et je veux pas faire une généralité, mais quand même, une fois sur deux, tu sens que les gens, tu les fais chier. Quoi, tu sens que tu les fais chier. Et moi j'ai eu une fois, alors pour un autre délire, et c'était, mais ça c'est quand j'étais en Charente-Maritime, où t'es en train d'attendre devant le comptoir et t'as Anna qui fait, et alors là, tu sais pas ce qu'il me dit? Il me dit, attends que je passe un coup de fil et je vais t'expliquer ce qui se passe. J'attends. Et toi t'es devant le truc et t'oses pas, tu vois. En plus c'était pour un délire de PV, de machin, tu sais, où t'es un peu morveux, tu te dis bon, t'as l'impression d'être un délinquant. Et la nana n'en avait rien à branler. Et elle est super sympa avec la nana avec qui elle parle. Elle fait, oui, je te jure, et tout. Moi, je suis en train de faire, oui, bonjour, c'est pourquoi. Ouais, c'est ça, ils sont derrière leur comptoir, ils parlent entre eux, ils nous calculent pas. Mais attention, Philippe, je ne fais pas une généralité, il y en a qui sont sympas. On t'embrasse, mon pote, merci d'avoir appelé. Et puis peut-être que pour les défendre aussi, ils tombent pas tous les jours sur des clients sympas aussi, tu vois ce que je veux dire. Oui, hein, c'est vrai, mais bon. Et que peut-être que pour pas les défendre, c'est peut-être tous des connards, pardon. Mais non, non. C'est pour ça que je disais, je fais pas une généralité. Pas une généralité, mais ceux qui te calculent pas, franchement, c'est juste ça arrive. Une politesse. Mais après, ça arrive pour plein de gens, vraiment. C'est horrible. Moi, la dernière fois, en plus, je me dis, ouais, si ça se trouve, il y a que des cons généralement qui viennent les voir, j'essaie d'être gentil, machin. J'attends 2h30, moi c'est la préfecture de Nanterre, et il me manque une photocopie de mon passeport. Genre j'ai mon passeport, il me fait, monsieur, on prend pas les originaux. Je fais, vous pouvez me faire une photocopie? Et là la phrase cliché, monsieur, si on fait des photocopies pour tout le monde, nous on part à 2h du matin. Et j'ai refait la queue alors que la photocopie c'était dans le couloir. Mais tu sais quoi, en fait je suis en train de penser, plutôt que de faire l'épreuve des poteaux dans Koh-Lanta, pourquoi ils feraient pas l'épreuve de changement de carte d'identité? Ah ouais, de la file d'attente. Voilà. Alors Patrick, vous en êtes où? Bah, moi, je vais craquer, je sors de la file. T'as dit, je laisse la finale. C'est Fun Radio, vous écoutez dans 7 minutes, 8 heures du matin. Bon réveil, la France. Voici Soprano. Je suis en feu, je suis chaud, je suis chaud. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. J'suis en feu. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. J'suis en feu. J'ai sorti le gros gamin, ce soir j'suis le prince de la ville. J'suis en feu. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. J'suis en feu. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. J'suis en feu. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. J'suis en feu. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car. J'suis en feu. Sors de la piste, fais une grande carte de Vanda. J'suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je donne Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. J'ai tellement en tête la version de Nicole Pervers qu'à chaque fois je fais appelle les copines. Appelle tes copines. Il sera avec nous la semaine prochaine, Soprano, lundi en direct avec nous. On lui fera un clash avec Nicole Pervers quand même. Bien sûr. À Sopra. Je crois qu'il peut plus le blairer. Comment ça avait déjà, oui, ça fait je pense 2 ans que je lui tape un peu sur la schneck. Ouais, c'est ça. Et je vais lui demander pourquoi il pique mes mélodies tout le temps. Bah, écoute, ce sera en direct lundi là, sur Fun Radio. Journal pour une image, faux journal de l'émission, tout de suite la deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et pour commencer l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI. Un homme a utilisé l'application Boussole de l'iPhone. Politique, ce soir aura lieu le premier débat à la primaire de droite et du centre. Seront présents sur le plateau 6 hommes et une femme qui auront 17 minutes chacun pour mentir. Pour convaincre. People, Janet Jackson, la sœur de Michael Jackson, attend son premier enfant à 50 ans. Ce qui fait un autre point commun avec son frère. Lui aussi, à 50 ans, il attendait des enfants. Une vidéo montrant Kim Kardashian dans sa chambre avec des policiers après son braquage fait le buzz sur Internet. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, je suis justement en train de regarder cette vidéo. C'est vraiment de la merde, hein, complètement nul. Bah, qu'est-ce qui est nul, Anthony ? Une vidéo de Kim Kardashian qui était ligotée et qui se retrouve entourée de mecs en uniforme de policier, je me dis que forcément c'est une sextape. Et bah, pas l'ombre d'un nichon ou d'une fesse. On se fout de notre gueule, moi je vous le dis. Mais on comprend votre immense déception, Anthony, vraiment. Et pour finir, si vous aimez les top modèles et les mammifères marins, découvrez Kate Morse. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. Sia Kendrick Lamar. Ça arrive là sur Fun Radio, 8h10 en direct, je vais payer de la facture, 8h30, je l'ai 30 secondes et à vous offrir ce matin le pack PlayStation VR avec la PS et le casque de réalité virtuelle, 1200 balles hein, le kit, plus 11 jeux, un gros cadeau qu'on vous offre ce matin. Et puis on se refait une petite salve avec le hashtag qui n'a jamais là, qui est en top tweet France, on l'a lancé ce matin à 7h32-28, on va en partager plein avec vous là juste après les news. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder. Calvin Harris. Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Marie est une jeune femme de maintenant. Elle partage des photos de petits chatons trop mignons. Bon, il y a aussi les licornes. Mais ça ne l'empêche pas de penser à la planète et à son budget. Chez Boulanger, on a donc pensé à Marie avec l'opération Happy Eco Eco, une sélection de produits écologiques et économiques. Comme le congélateur armoire Siemens, 195 litres A++ à 599€ au lieu de 749 et consommant jusqu'à 40% moins qu'un appareil de classe A. Boulanger, c'est 130 magasins près de chez vous et boulanger.com. Prix valable jusqu'au 23 octobre sur modèle GS29NOW30. 14€ d'éco-participation. Découvrons Samy Jean-Fédéton qui nous parle de sa victoire au nouveau boost ordre du Quintet Plus. Les chevaux couraient tellement vite, il y avait des flammes sous leurs sabots. Les 5 que j'avais choisis se sont tous mis à voler. Et là, tu me crois pas, ils ont tous passé la ligne d'arrivée dans l'ordre. Ah oui, quand même. Avec le boost ordre du Quintet Plus, c'est 1 million d'euros garantis en plus à partager chaque dimanche entre les gagnants ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre. Montant minimum complémentaire, jour de redistribution porté à la connaissance des parieurs. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Aujourd'hui jeudi, nouvel arrivage chez Electro-Dépôt. La tablette PC Lenovo Mix 300 avec processeur Intel et Windows 10 est à un prix électro-dingue de 169€. Dépêchez-vous, il n'y a que 400 pièces. Electro-Dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. 30 centimes d'éco-participation. Détail de l'offre en magasin. Electro-Dépôt est la meilleure chaîne de magasins multimédia et électroménager de France. Sympa ton nouveau salon. Merci. Attends, laisse-moi dîner. Hein. Canapé, table basse, bibliothèque, meuble télé, lampe tapis. Allez, je dirais 687€. Ouais, comment tu sais? Yes! Bah voilà, j'ai gagné, j'emporte tout. Tiens, tu m'aides à prendre le canapé? Non mais qu'est-ce que tu fais? Repose ça! Ah, si tout était comme chez Ikea. Pendant les journées qui changent tout, devinez le prix de l'une de nos 4 pièces mystères pour la gagner. Du 14 au 15 octobre dans votre magasin Ikea, jusqu'au 16 octobre pour les magasins d'Île-de-France et Caen. Conditions sur Ikea.fr. Ikea! Avec Mathieu qui pédale fort. Et qui veut arriver premier au Trocathlon pour vendre son vélo. Et s'équiper en club de golf. Ah, moins pratique pour se déplacer. Chez Decathlon, du 14 au 22 octobre, c'est le Trocathlon. Profitez-en pour changer de sport et revendre votre ancien matériel contre des bons d'achat. Decathlon, à fond la forme. Voir conditions en magasin et sur decathlon.fr. Bougez pas, Bruno. 8h10 en direct sur Fun Radio, comme chaque matin, je vais payer de la facture. Vous avez une facture à vous faire payer, je le fais pour vous. Il suffit juste de me l'envoyer dès maintenant à facture@funradio.fr. Fun Radio, le son Le point sur l'actu de ce jeudi matin, toute l'info là en deux minutes avec Maxime Poulaouec. Salut Max. Salut Bruno, bonjour à tous. On commence par la météo, c'est galère un peu dans le sud de la France ce matin. Trois départements du sud en vigilance orange pour pluie, inondation et vent violent. L'Aude, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône, il va tomber. 3 mois de pluie en 24 heures. Les cours sont d'ailleurs suspendus aujourd'hui dans l'Hérault. Partout ailleurs, le temps sera nuageux et pluvieux, sauf dans le nord-ouest où le soleil résistera. On attend 11 à 15 degrés cet après-midi, jusqu'à 20 à Perpignan. Plongé dans un monde complètement immersif, le PlayStation VR sort aujourd'hui. C'est le casque de réalité virtuelle de Sony compatible sur la PlayStation 4. Il permet de se croire dans le monde dans lequel on joue. Et de nombreux jeux sont déjà disponibles pour le lancement. Richard Brunois, le directeur de la communication de Sony France. Il y en a une cinquantaine en fait qui sortent en même temps que le PlayStation VR. Les principaux qu'on pourra retrouver, je pense qu'ils feront l'unanimité, sont une simulation de course automobile qui s'appelle Drive Club. Il y a un jeu pour tous les fans de Batman qui s'appelle Batman Arkham VR qui permet donc justement de se prendre pour Batman. Il y a un jeu magnifique qui sort et qui s'appelle Eagle Flight et là qui permet en fait de se prendre pour un aigle et de survoler Paris. Le PlayStation VR dont le poids n'est que de 600 grammes est disponible dès aujourd'hui à un prix de 399 €. Vous pouvez le gagner également en écoutant Bruno dans la radio cette semaine. 7 candidats pour une seule place. Le premier débat de la primaire de la droite et du centre aura lieu ce soir à 21h. 120 minutes de combat. Objectif, grappiller des points et se faire connaître pour les challengers. Ne pas trop en perdre pour Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Une grève chez SFR. Les salariés cessent le travail aujourd'hui. Ils dénoncent la suppression de 5000 postes d'ici à 2019. Et puis à la montagne ou à la campagne en famille, la SNCF met en vente à partir d'aujourd'hui ses billets de train pour l'hiver. C'est à réserver sur voyage. SNCF.com avec des prix avantageux. 8h04, bon réveil sur Fun. Bruno on Fun Radio. Jeudi, c'est le 13 octobre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 8h04. Bonjour! Bonjour! Ici, c'est Fun Radio. Sia qui arrive dans quelques secondes, Kendrick Lamar, ça s'appelle The Greedest. Le Lord Leadfeder que vous adorez, qu'on kiffe aussi, là, ça va arriver dans la demi-heure. 8h30 du gros cadeau, comme chaque jour de la semaine, nous vous offrons le casque de réalité virtuelle de chez PlayStation, le PlayStation VR, je rajoute la PlayStation 4, la manette, ou plutôt les manettes qui vont avec le casque de réalité virtuelle, la caméra pour pouvoir jouer, c'est important, plus les 11 jeux, la dispo, hop, oui. Tout ça c'est cadeau, c'est le package, il vaut plus de 1200 €, 1210 € pour être précis, on vous l'offre là tout à l'heure à 8h30 dans le jeu des 30 secondes. Et rappelons qu'il partira aujourd'hui. Comme ça, vous l'avez pour ce week-end. Oui, ouais, attention, vous jouez avec ce week-end. On les a tous, hein, ça, ils sont tous à dispo. D'ailleurs, hier, la veille de la sortie, on est allé directement chez un auditeur qui avait été choisi au hasard là, avec le hashtag qu'on avait lancé à Angers. Vidéo disponible sur la page Facebook de l'émission, bah, le mec était refait. Ah bah d'ailleurs on l'embrasse, c'est Baptiste, et on embrasse toute sa famille parce que ça s'écoute en famille. Bruno dans la radio, ils nous ont expliqué comment ils faisaient. En fait ils ont une radio donc dans la salle de bain, donc quand ils font leur toilette, hop, ils écoutent la radio. Ils en ont une autre dans la cuisine, comme ça quand ils prennent le petit déj, ils nous écoutent. Et ensuite ils en ont une autre dans le salon, comme ça voilà, s'ils ont des trucs à faire, mettre leurs chaussures etc, ils écoutent aussi la radio là. Nickel, franchement on a été reçus comme des rois, on a goûté les spécialités. Spécialité angevine, on dit comme ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est bien de faire l'accent du sud à Angers. On voit bien que t'as compris où t'étais parti, toi. On a goûté du saucisson, des mini pizzas, des mini hamburgers. Pas ça, mini pizza, mini hamburger, c'est des spécialités de chez Picard. Des rios, on a goûté. Ah, des rios, ça ressemble à des côtes de porc, c'était trop bon. Et non, mais c'est rions. Des rions, c'est les rions. Ouais, nous on appelle ça du gros grillon chez moi en Charente-Maritime. C'est, je vois ce que c'est que tu manges avec de la moutarde, mais si, c'est du porc. Oui, c'est ça, je vois ce que c'est. Si, ouais, je vois. Tu as raison, Bruno. J'en mets avec la raclette, moi. Ouais, ah ouais, ça, ouais. D'ailleurs, vous savez quoi? Oui, Bruno. J'ai une petite idée, les amis. Parce que là, on va pas se mentir. Là, ça y est, ça commence à cailler un chouille, d'accord? Ça caille de ouf, même. On rentre dans la période, là, un peu de froid d'hiver. Vu qu'on a fait hier, en fait, je vous ai vu chez Baptiste, là, sur le live vidéo. Ouais. Je me suis dit, putain, c'est quand même fort. C'est vrai que ça. On peut pas dire, mais on est la seule radio à faire ce genre de truc. Ah, c'est vraiment clair. Ouais. Et je peux te dire que je le dis avec d'autant plus de facilité que j'ai des potes dans l'autre radio qui disent « Putain, mais comment vous faites? Vous prenez sur votre journée après votre émission en plus, mais nous, on voudrait pas le faire. » Et en plus, c'est un kiff. Et j'ai envie de faire un truc. On avait fait un truc l'année dernière, c'était le Bruno dans ton salon, où on était allé voir le premier match de foot de l'équipe de France, d'accord, de foot. Chez un auditeur, vous souvenez, on avait c'était à côté de Clisson d'ailleurs. Streaming vidéo, on avait fait pas d'émission, mais juste aller passer une soirée avec l'auditeur. On avait fini après en boîte, enfin un truc de ouf. Barbecue. Je me demande, et là vous me dites, je vous prends au dépourvu, mais c'est une idée que j'ai là maintenant. Pourquoi on ferait pas ça pour notre première raclette de l'année? On va la faire chez un auditeur. Un Bruno dans ton salon, d'accord. Ouais. Et on fait ça genre un vendredi. Ok. Et on lance le hashtag un vendredi matin et on s'invite chez l'auditeur. Ok. D'accord. Et on amène tout. Ouais. On amène toute la bouffe, machin, etc. Mais on fait la première raclette de la saison chez un auditeur. Ah bah oui. Ouais. Mais on est une quinzaine dans l'équipe. Il faudrait minimum deux machines. Si c'est un mec dans un studio, on les apporte. Attends, je dis, on s'occupe de tout. On amène les machines, tout le bordel. Ouais. On arrive. Imagine, c'est un studio de 20 mètres carrés. Et bah tant pis. Il brûle. Bah, le studio, il faut changer après la moquette. C'est génial pour moi qui suis végétarien. J'ai mangé des patates et du fromage. C'est déjà ça, machin. Ah, mais des patates avec des légumes, sinon tu vous mets dedans. Vous inquiétez pas, j'amènerai mon petit paquet de curly et je passerai un bon moment avec vous. Non, mais vous voulez pas qu'on fasse ça? Ah, moi, je suis chaude parce que franchement, à chaque fois qu'on va chez les auditeurs, on est reçus comme des rois. Ouais. Et vous êtes tellement adorables que. Et puis, même, on a vu hier d'ailleurs, quand on a lancé l'opération, ça a encore cartonné. Donc, alors, tu sais quoi? Là, j'ai les répètes du théâtre. Ça se finit fin octobre. Début novembre, on se fait ça. D'accord, ok. Après les vacances scolaires, genre. Exactement, genre, on fait ça. Bon, on a lancé ce matin le hashtag qui n'a jamais. Qui est numéro 1 top tweet France là depuis, bah, depuis qu'on l'a lancé à 7h. Et j'ai dit, on va en refaire parce qu'il y en a plein là qui arrivent sur Twitter. On a Mathieu qui est à Tiverny dans le 60. Hashtag qui n'a jamais. Voilà, c'est parti du délire. Pourquoi je vous ai parlé de ça ce matin? C'est quoi? Ah oui, qui n'a jamais trouvé une excuse pourrie pour zapper un rendez-vous. Voilà. Bonjour Mathieu. Salut Bruno, salut la famille. Salut. Allez. On t'écoute Mathieu. Alors, qui n'a jamais senti les strings de sa meuf? Alors franchement, je pense qu'il y a deux personnes sur la terre qui font ça. Je pense que c'est toi et Elliot. Et Louis. Non, non. Moi, et c'est Elliot. Non, non, c'est pas de ma meuf. Moi, c'était à l'époque, genre les mamans de mes amis et tout, genre quand j'étais ado. Alors. Enfin, les amis, mais vous me faites des fois. Non, mais là, c'est dégueulasse. Il y a des trucs, franchement, c'est pervers, bizarre. Et là, il y a du crade, il y a du, ouais, il y a de la prison là qui doit aller derrière. Mathieu, ben on t'embrasse quand même, mon pote. D'angoisse quand même. Johan, 34 ans, Moussier-sur-Sambre, on est en Belgique. Bonjour Johan. Salut Bruno, salut la famille. Salut. Allez, on t'écoute. Qui n'a jamais fourré des chocolats à la moutarde avant de les distribuer à Halloween aux enfants? Ah non, oh, ça c'est pas cool. Bah, c'est pas mal ça. Bah, chocolat piégé, c'est drôle. Ouais, non, c'est chocolat piégé, moi ça me fait rire. Vraiment, je t'embrasse, Johan. Moi sur Halloween, j'aurais dit qui n'a jamais fait semblant de pas être là, tu vois, pour pas ouvrir la porte aux enfants. Oui, ça, il y en a plein. Il y a Yann Loïc aussi qui dit qui n'a jamais pris l'accent chinois pour commander au restaurant chinois. Ah, c'est horrible. C'est Bruno qui m'a demandé, genre, quand on allait au resto il y a 3 semaines, de faire ça. C'était horrible. C'est horrible. Bah, c'est un peu, on est border raciste hein, quand même, sur ce genre de vanne. C'était cool dans le resto, ça va. Julien, 16 ans, il est à 3. Bonjour, Julien. Salut Bruno, salut toute l'équipe. Salut. Salut. On t'écoute. Alors, qui n'a jamais fait un défi dans sa tête en mode si je passe avant elle, je vais passer une bonne journée? Ah ouais, genre à la caisse du supermarché, etc. Oui. T'as l'impression d'être le héros du jour. Ouais, ouais, mais ça, c'est les petits trucs du jour, tu sais, où tu dis putain, si j'arrive à traverser la pile à ce moment, ça y est, je suis la vedette du moment. Si le feu passe au vert pile au moment où j'arrive, c'est-à-dire que cette meuf, elle va vouloir sortir avec moi. Ouais, et c'est moi, vrai. J'ai vu ça, le feu est passé au vert, mais elle a jamais voulu. Hein. Ça marche pas. Julien, on t'embrasse, mon pote. Allez, on prend Eugénie, la vite fait à Lille. Bonjour, Eugénie. Bonjour, Bruno. Bonjour, la famille. Bonjour. On t'écoute. Alors, qui n'a jamais changé de trottoir pour éviter de croiser une connaissance? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais, ouais. Et tu fais genre, tu l'as pas vu. Bien sûr. C'est ce que je disais aussi avec le téléphone, ce qu'on disait ce matin avec le téléphone où tu fais semblant de passer un coup de fil alors qu'il n'y a personne au téléphone. Ou tu rentres dans une boutique, la première qui arrive. Moi, je suis rentré dans un Etam lingerie comme ça. Sauf que j'avais 16 ans et tu mets un gosse de 16 ans dans un Etam lingerie, j'étais tout rouge. Oh merde. Génie, on te fait des bisous, ma belle. Ciao. Bisous. Bah, apparemment. Oui, oui, excusez-moi. Ah, pas de soucis. Parce que nous, on est encore là, c'est pour ça. Bisous. On te fait des bisous, ma chérie. Et il y en a qu'on peut pas lire, hein, je vous le dis quand même. Ah ouais. Ah ouais. Bah, allez voir sur les réseaux sociaux, voilà. Hashtag qui n'a jamais. Kendrick Lamar, Sia, c'est tout de suite. Et c'est sur Fun Radio. I am the truth. Ay, I am the wisdom of the fallen. I'm the youth. Ay, I am the greatest. Ay, this is the proof. Ay, I work hard, pray hard, pay dues. Ay, I transform with pressure. I'm hands on with effort. I failed twice before. My bounce back was special. Let downs will get you, and the critics will test you. But the stronger survive. Another scar may bless you. I don't give up. Nah, no. Give up. Nah, no. Don't give up. No, no, no. Nah. Don't give up. I won't give up. Les amis, je viens de tomber sur un truc. Je vais foutre la merde là dans les couples, là dans quelques secondes, puisque je viens de tomber sur un article qui donne les 4 signes inattendus qui prouvent à coup sûr que la personne avec qui vous êtes vous trompe. Oh là là. C'est horrible. Et là, t'as toutes les meufs qui nous écoutent qui vont être au taquet. Mais parce qu'on est méfiantes, nous. Mais les mecs aussi. Attends, pourquoi les mecs, nous, on serait pas méfiants? Pourquoi vous auriez le monopole de ah bah nous, on est fidèles? Parce que nous, peut-être qu'on est infidèle parfois, mais on le fait mieux que vous. Quoi ? C'est-à-dire ? On le cache mieux que vous. Ah oui, mais ça c'est sûr. Bah, moi, ouais, je te parlais d'une ex, effectivement, qui m'a trompé pendant 6 mois. Et alors qu'on vivait ensemble et tout. Et au bout de 6 mois, elle m'a dit, au fait, ouais, on est plus ensemble parce que je me sens mal. Et j'ai appris qu'à me tromper. Tu vois, moi, j'aurais jamais fait ça. Ouais. Nous, les mecs, on trompe, mais pendant 5, 10, 20 ans, et on le dit jamais. Mais la relation continue. On ne brise pas la relation. Voilà, exactement. C'est là qu'on a du respect, nous. On ne fait pas du mal à l'autre. Et si, mais tu sais quoi, regarde, on peut demander au 32-28, est-ce que vous avez une méthode infaillible pour savoir si oui ou non il y a tromperie ou pas? La plus cliché, c'est quand ton mec ou ta meuf se trimballe avec son portable partout en permanence. Ouais, quoi, genre... c'est vrai que ça ouais, attise le doute. Ouais, et encore ça veut rien à dire. Parce que moi, tu vois, moi par exemple, je l'amène partout. Mais parce que quand je vais aux chiottes, ouais, je suis sur Twitter, je suis sur. Pareil ouais, quoi, pour moi. Vois. Quand ta meuf se trimballe tout le temps avec un mec barbu et qu'il la suit même dans le lit, là, moi, ça me met la puce ça à l'oreille. Ça te met la puce à l'oreille, ouais, c'est vrai. Qui s'appelle Chéri, ouais, qui ouais, mange ensemble. Qui coule de droit et te dit, mais va, sors de la maison et ouais, tu peux jamais re-rentrer dans la maison. Et qui vivent tous les deux, ils font un truc là, un bébé. Ouais. Là, tu dis à mon avis. Et le bébé te ressemble pas en plus. Oui. Et tu te dis, je veux pas être méchant, mais je crois qu'elle me trompe. Ouais, peut-être. Bon, bref, je vous donne ça là dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Pour l'instant, je paye de la facture. Bruno, allô ? Paye vos factures. Oui, il est adorable. Tous les jours, 7h15, 8h15 en direct sur Fun Radio. Je suis le seul animateur radio de France à payer de la facture. Et vos factures, vous les envoyez soit à facture@funradio.fr ou bien par courrier ici à Fun Radio. C'est au 20 rue Bayard, 75 008, Paris. Et si on vous appelle en direct le matin, c'est cadeau. C'est payé, c'est pour nous. Plus de factures, a pu. La facture, a pu. On part ce matin du côté de Saint-Mathieu de Trévilliers. On part chez Coralie. Allô ? Coralie ? Oui ? Bonjour Coralie. Bonjour. Coralie, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures ? C'est Bruno dans la radio. Oh, oh, bravo ! Yeah ! Bon Coralie, ma belle, tu as quel âge, tu fais quoi dans la vie ? Alors j'ai 24 ans et je suis actuellement à la recherche d'un emploi. D'accord, tu cherches du boulot dans quoi ? Dans la banque. Dans la banque, très bien. Pour être conseillère bancaire, pour... Oui, chargée d'accueil en premier temps et puis conseillère. Est-ce que tu peux me faire une promesse ? Oui ? Le mec qui va venir un jour et qui va s'asseoir en face de toi et qui va dire, moi ce que je voudrais que vous compreniez... Tu lui fous un coup de boule et tu lui dis de la fermer parce qu'il nous fait chier. Il s'était arrêté, pendant 6 mois la pub avait disparu et là ça revient. Tu lui mets un bon coup de boule de sa mère. Merci c'est beaucoup. C'est quoi, c'est la pub CIC, c'est ça? Ah, je la déteste, on en avait déjà parlé, je la déteste. Il est revenu l'enfoiré quoi. Calme-toi. Moi tu sais quoi, moi j'aimerais bien, je serais les autres banques. Ouais. Moi, je ferais une pub. Tu sais, en France, on fait pas trop ça. Aux États-Unis, ça se fait. Je ferais la banque qui est soi-disant en face du CIC, quoi, ouais, tu vois. Où à chaque fois, donc, les clients sortent de chez lui pour aller dans le CIC. Et là, tu ouais, vois, ils sortent et ils se font écraser, tu vois. Au moment où ils traversent la rue pour aller à la banque, il y a une voiture, boum ouais. Ah bah, et si vous étiez resté à la Société Générale, ça ne vous serait jamais arrivé. C'est un peu radical, quand même. Ouais, c'est un peu violent. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Peut-être pour ça que je bosse pas dans la pub. Ouais, peut-être. Bon, Coralie, ma chérie, tu m'as envoyé une facture. C'est quoi? Alors, c'est une location d'un appartement à la Clusa pour l'anniversaire de mon copain. C'est prévu pour quand? C'est du 29 janvier au 5 février. D'accord, vous avez fait un petit séjour au ski? Oui. Trop cool. Ah, c'est vrai, ouais, quand je vous disais, ça sent la raclette, la fondue. La Clusa, c'est magnifique en plus comme station. Ah, mais vous pouvez venir à la maison manger la raclette. Hein. Mais on va faire ça, je vous jure, il y a déjà des gens qui disent, ah oui, faites-le, le Bruno, dans ton salon spécial raclette. La Clusa, c'est très joli. Juste au-dessus de la Clusa, il y a un petit village qui s'appelle Manigo, qui est une petite station de ski aussi, qui est magnifique, vraiment. C'était du côté de chez vous, avec le roi Merlin. Non, j'aimerais faire moi le jeu là où je t'emmène. Mais non, c'est là que je voulais dire. Merde. Bon, Coralie, tu sais quoi, cette facture d'Airbnb pour la Clusa, la vacances de ski. Donc avec ton chéri, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour moi. Oh, merci beaucoup. Bisous. Je te fais des bisous. Bisous. Ciao, bisous. Coralie. Ciao, ciao. Feder arrive sur Fun Radio, Lordly. Et donc, dites-moi, la 3228, est-ce que vous avez une méthode infaillible pour savoir s'il y a tromperie ou pas, s'il y a de l'infidélité dans l'air? On en parle, j'ai les 4 méthodes infaillibles pour vous, juste après ça. Ce soir, 20h, 22h. C'est Love in Fun avec Doc, Karel et Alice. On passe quand même 7 ans de notre vie à attendre le sommeil. Bonsoir Maxime. Bonsoir. T'as du mal à dormir toi? Quelquefois j'arrive pas à dormir et je fais le poirier. La 22h. The Night Show. C'est le Night Show. Avec Marion et Anso. Lucie, est-ce qu'on peut deviner ta phobie? Est-ce que c'est devinable? Oui. Alors, est-ce que c'est un animal? Non. Un indice. C'est orange. Ah bah, à l'orange? Ouais. Radio. Bah, pourquoi tu cries? Et voilà, il rentre plus dans son jean. Mais non, je suis énervé, là. Je viens de me raser avec un bic 3 lames, ça rase super bien. Bah alors, pourquoi tu t'énerves? Et bah parce que j'ai payé le prix fort pour mes rasoirs pendant des années, alors que le bic 3 lames rase très bien, tout en douceur. Et pour pas cher! Les rasoirs Bic 3 lames, être bien rasé? Oui! Se faire tondre? Non! En ce moment, retrouvez Bic 3 et Bic Flex 3 Confort en promotion dans votre magasin. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sananas. Sephora. Aujourd'hui, pas de tuto. Vous pouvez poser les pinceaux, l'idée c'est de ne rien faire et de vous laisser faire. Au make-up bar de Sephora, de super pros sont là rien que pour vous. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour le smoky de vos rêves et être au top du top niveau. Être encore plus belle sans bouger le petit doigt, moi je valide. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé est réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Avant, vous faisiez collection de vos anciennes lunettes. Et là, nous avons un modèle authentique des années 80. Mais ça, c'était avant. Avec les reprises Kris, vos anciennes paires servent enfin à quelque chose. Rapportez vos anciennes lunettes et recevez jusqu'à 75€ de réduction sur votre prochaine paire. La fondation Kris Group redistribuera les anciennes à ceux qui en ont besoin. Kris, vous allez vous aimer. Reprise jusqu'au 10 janvier 2017 chez Kris. Réduction valable jusqu'au 28 février 2017 sur votre prochain équipement optique ou solaire. Conditions en magasin, dispositif médical, consultez un professionnel de santé spécialisé. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché! Et oui, ça continue encore 2 semaines. Jusqu'à ce soir, le raisin blanc est à seulement 1,13€ le kilo. Et oui, vous avez bien entendu, 1,13€ le kilo de raisin blanc. Mais c'est seulement jusqu'à ce soir. Dépêchez-vous. C'est ça l'anniversaire, et c'est seulement chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Variété Italia, catégorie 1, origine Italie. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. On est l'archi-élite de l'élite. Bruno dans la radio. Yeah. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. Moi, je désespère pas qu'on ait le vrai Feder qui vienne en studio, un de ces quatre, pour mixer. Ah, moi, j'aimerais. Alors, je ne réponds plus de rien. Ouais. Parce qu'il est sacrément sexy, Feder. Hein. Ouais, je sais. Et puis, il tourne beaucoup dans le monde entier, notamment avec ce titre que vous avez découvert sur Fun Radio, Lordly. Alors, ce qu'on avait fait, c'est qu'un matin, on avait appelé un Feder au hasard dans le bottin, dans l'annuaire, et oui. On est tombé sur une fille qui était venue. Elsa, elle s'appelait Elsa Feder. Bah, c'est elle qui fait le jingle, du coup. Mais ça lui va bien, je trouve. Bonjour, c'est Feder avec Bruno à la radio. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. I tell them, dog, bone, we love, that's my place. There's nothing to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. In my heart, a rain of light that lights up the dark. When I step to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest. C'est Fun Radio et Feder. Et la demande est lancée pour Feder. Ah, ça y est, je viens de recevoir un SMS. Ouais. SMS bah, on était écoutés par la direction de la programmation ici à Fun Radio. La demande est lancée. Et bah, très bien. Alors, bah, s'il peut venir, Feder, parce qu'on aime beaucoup Feder. Allez, 8h26. Jusqu'à 9h. C'est Bruno dans la radio. C'est plaisant de vous voir sourire. Bruno. Bon, d'après vous, quels sont les signes qui prouvent que la personne qui partage votre vie vous trompe? Ah là, je vais foutre la merde, là, je peux vous dire. Là, il y a des gens qui vont se reconnaître et qui vont dire « Ah merde !» Moi, je pense qu'il y a un signe très simple, hein, c'est que ton chéri ou ta chérie ne te regarde pas dans les yeux quand il te trompe. Ouais, peut-être qu'il louche aussi, simplement. Les pauvres gars qui ont un strabisme. Ouais. Arrête de te tromper. Je suis né comme ça, chérie, je l'arrête. Non, tu vois, sur des discussions sérieuses de couple et tout, je pense que t'as le regard fuyant. Moi, je sais que c'est ça. Moi, j'ai ce vrai problème. Si ce truc m'est arrivé, c'est que moi, je ne sais pas mentir des yeux, en fait. C'est vrai. Non, mais Bruno, il peut te raconter n'importe quoi. Quand tu le connais bien, tu sais quand il ment. Voilà. Moi, je ne peux pas mentir. Donc, ce serait compliqué pour moi. J'ai les yeux qui... tu vois, j'ai mon corps qui fait non, et mes yeux qui font... Laurie, à Caen, c'est notre auditrice du jour, Laurie. Elle a la ligne directe du studio, elle voulait réagir à ça. Bonjour, Laurie. Bonjour. Bonjour. Un des signes inattendus qui prouve que ton chéri pourrait te tromper, c'est quoi? Moi, je pense qu'il pourrait être, éloigné, égoïste et différent. Différent, en fait, ton comportement. Je pense que quand on est amoureux, on se rend compte, en fait, qu'il est différent. Ah oui, mais c'est une généralité, mais oui, c'est vrai. Quand tu vois que t'es plus dans les attentions du début, etc., ça peut être un signe. Il paraît qu'il y a un autre truc aussi, c'est que souvent, t'achètes des nouvelles fringues. Ça marche aussi bien pour les mecs que les filles. Hein. Ah, mais ça, c'est Raphaël qui justement voulait parler de ça. Je te fais des bisous, Mallory. Raphaël, il est à Marseille. Bonjour, Raphaël. Bonjour, Bruno. Bonjour, la famille. Salut. Toi, tu t'es dans ce délire-là, toi. Le délire. Moi, je suis dans le délire. Elle se repouponne tout le temps quand elle sort avec les copines, même pour aller chercher une baguette, quoi. Ouais. C'est vrai que si elle met une tenue de soirée pour aller chercher du pain et qu'elle met une heure et demie pour aller chercher du pain, il y a un problème. Donc en ce moment, ma femme qui traîne dans l'appartement avec mon vieux maillot des Girondins de Bordeaux, c'est bon, elle est fidèle. C'est bon. Elle est pas sexy, mais elle est fidèle. Je te fais des bisous, Raphaël. C'est oui, Elliot. Quand, c'est pas quand tu te justifies trop, genre tu reçois un texto. Non, non, je te jure, c'est pas la voisine. Promis, promis. Tu sais, genre, je te jure que la voisine, moi, j'en veux pas. Elle est moche, elle est moche, elle est base. Non, alors les quatre signes inattendus, parce que le téléphone portable, ça y est plus. Okay, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on est tellement pendu à notre téléphone pour Twitter, Facebook, Instagram, etc. Ouais. que ouais, c'est plus un motif de tromperie. Ouais. Non, par contre, et si ton ou ta chérie t'accuse de t'avoir trompé? C'est-à-dire que tu renvoies la balle. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que tu dis, dis donc, en ce moment, j'ai l'impression que tu me trompes. Ça, ça peut vouloir dire qu'en fait, t'as sur un truc. C'est culotté. Le deuxième, c'est quand tu, tu t'accuses de tout, tout le temps. Ouais. C'est-à-dire que t'es constamment en train de t'auto-flageller en disant, ouais, de toute façon, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Ça, c'est un délire, c'est un signe. Oui. Quand tu parles beaucoup de ta, d'un collègue ou d'une amie de boulot. Ça, c'est chelou. Parce que c'est une façon inavoué d'avouer un peu. Tout à fait. Et le quatrième truc, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui sait, un proche de ton mec ou ta nana, qui lui, si ton mec ou ta nana a pas changé de comportement, lui est devenu bizarre. C'est, c'est ce que tu viens de faire, c'est hyper chiant. Tout le monde va croire que sa meuf le trompe. Je vais tuer ma meuf. Bon, j'ai des 30 secondes, ça arrive après les news, là, sur Fun. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder. Calvin Harris. David Guetta. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Contre le mal de dos et les insomnies, le meilleur remède, c'est But. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, vous pouvez profiter de jusqu'à moins 50% sur une sélection de grandes marques de literie. Oui, moins 50%. La literie est en folie chez But. Moi, on me dit ça, je me réveille. But, c'est nous. Voir conditions en magasin ou sur but.fr. J'ai mal au dos. Tu veux que je te masse ? Je préfère qu'on aille chez But. Joli crouton, cherche soupe de poisson onctueuse qui sera attendrir son petit cœur craquant. Justement chez Grand Frais, la soupe de poisson est à seulement 1,99€ au lieu de 2,69€, soit 25% de réduction. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 15 octobre, bouteille de 97 centilitres, 2,05€ le litre. Pour votre santé, évitez de grignoter. Nouveau message, Bouygues Télécom. En ce moment, pour l'achat d'un Samsung Galaxy S7, le Samsung A3 est remboursé. C'est 100% remboursé. Oui, bah c'est pareil. Bon, en tout cas, c'est une super bonne nouvelle. Oui, une 100% super bonne nouvelle. Pendant les jours Tecna Bouygues Télécom, pour l'achat d'un Samsung Galaxy S7 avec un forfait sensation, le Samsung A3 est remboursé avec un second forfait sensation 5Go et plus. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom ou appelez le 3106. Technow égale la technologie du moment. Offre soumise à condition, engagement 24 mois. Salut, c'est Antoine de Caunes. Je suis là pour vous parler de liberté. Liberté de regarder les matchs de foot de Canal+ dans votre bain. Des films pendant une cérémonie ennuyeuse, des séries en cachette au bureau. Cette liberté, mesdames et messieurs, on peut maintenant s'y abonner sans engagement dans MyCanal. Vive la liberté ! J'aurais dû faire de la politique, moi, non ? Nouveau, découvrez Canal+ sans engagement dans MyCanal à 19,90€ par mois seulement. Offre soumise à condition. Rendez-vous sur mycanal.fr pour en profiter. Bougez pas, Bruno. 32-28 les amis, vous allez jouer avec nous là dans quelques secondes pour repartir avec votre pack PlayStation VR comprenant la PS4, le casque de réalité virtuelle, la caméra, la paire de moves, les manettes pour jouer avec le casque et 11 jeux, ça vaut 1210€, ça se joue dans le jeu des 30 secondes juste après les news. Fun Radio, le son Fleur. Et l'info sur Fun Radio, c'est avec Maxime Poulaouek. Ça va, Max ? Ça va très bien, merci Bruno. On commence avec la météo de ce jeudi. Et ça va moins bien dans le sud, puisque trois départements sont en alerte orange, pluie, inondation et vent violent. L'Aude, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône, on attend ici 3 mois de pluie en 24 heures. La pluie qui va remonter jusqu'en région parisienne au cours de la journée. Il faudra être dans le nord-ouest pour profiter du soleil. Comptez 5 à 8 degrés ce matin, un peu plus vers la Méditerranée. Dans l'après-midi, comptez 10 à Lille, 11 à Angers, 12 à Paris et Nîmes, 13 à Cherbourg, 17 à Bayonne, jusqu'à 20 degrés à Perpignan. À conséquence des intempéries dans le sud, les cours sont suspendus aujourd'hui dans les écoles, collèges et lycées pour le seul département de l'Hérault. Le parc des expositions de Montpellier qui accueille la foire internationale restera fermé toute la journée. 7 candidats, une femme et 6 hommes. Le premier grand débat de la primaire de la droite et du centre aura lieu aujourd'hui. 120 minutes de débat à partir de 21h. Chaque candidat aura très exactement 17 minutes minutes pour s'exprimer. Ce sera sur TF1 et chez nos confrères de RTL. François Hollande regardera le programme à coup sûr. Le président de la République se confie dans un livre à paraître aujourd'hui et intitulé « Un président ne devrait pas dire ça », écrit par deux journalistes du Monde. Il avoue son hostilité à des sujets qui ont marqué son quinquennat et qu'il a pourtant défendu. 700 pages dans lesquelles le chef de l'État commente son action et envoie des pics. Les vacances d'hiver approchent. La SNCF met en vente à partir d'aujourd'hui ses billets de train pour des réservations entre le 11 décembre et le 2 février. Seuls les premiers clients pourront bénéficier de tarifs promotionnels. Rendez-vous dès maintenant sur voyage-sncf.com. Et puis c'est la sortie aujourd'hui du PlayStation VR, le casque de réalité virtuelle de Sony adapté pour la PS4. Vous allez être plongé en totale immersion dans le jeu auquel vous jouez. Sensation garantie, le prix 399 € et c'est à gagner cette semaine avec Bruno dans la radio. 8h34, merci d'avoir choisi Fun, on continue jusqu'à 9h. On est l'archi-élite de l'élite. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord, on se met au boulot. 8h34, vous écoutez Fun Radio, bon réveil la famille, Richard Orlinski. Dans quelques secondes avec Eva Simons. C'est ce qu'on va vous passer sur Fun Radio. Heartbeat. Les Chainsmokers. Vous les avez découverts chez nous. Chainsmokers avec Closer. Et puis première diffusion française du David Guetta nouveau. C'était aussi sur Fun Radio. Vous avez ce sourire de crétin là, je vous vois tous les deux là. Mais Vaché, parce que Vaché, Christina. C'est un enfant. Vaché vient de me passer un petit mot. Arrête. Fais voir le mot. C'est, je vais faire le prof comme non, non, non, non, non. C'est pas moi. Attends, je tiens à dire que c'est un mot qui a atterri devant Christina. Qui a atterri devant Christina et c'est pas moi qui l'ai lancé. Et je suis abasourdi de ce qui a marqué dessus, mais on peut pas le dire à l'antenne. Fais voir, je reconnais l'écriture de Vaché. C'est quoi, je fais attention à ce que je dis à l'antenne. Ouais. Puisque je sais qu'il y a des enfants qui écoutent, mais il y a des trucs à double sens, ouais, où les enfants comprennent pas forcément. Ah, mais là, c'est pas double sens. Enfin, je sais pas, je l'ai pas alors, lu. Alors, Vaché vient de faire passer un mot à Christina. Mais non, comme ça atterrit devant elle, c'est pas moi qui l'ai lancé. Il y a écrit, je connais ton écriture. La personne qui lit ce mot doit. Vaché. Ah ouais. Donc quoi? Et fais voir, attends, je connais pépon, l'écriture quoi, de Vaché. Pépon. C'est Vaché qui a écrit. Bien sûr. Non, ouais, c'est un mot qui atterrit et je suis abasourdi. Parce que ça, c'est de l'humour qui me vexe par contre. On fait pas, c'est sexiste d'envoyer ça à Christina. Bon, maintenant c'est écrit, faut le faire, mais. Voilà. Fais voir ton cahier. Parce qu'il a un cahier où il écrit des trucs. Fais voir ton cahier, Vaché. Ouais, on va faire le test. Est-ce qu'il y a une page déchirée? Est-ce qu'il y a une page déchirée qui correspondrait pile poil avec ce truc? Oh, bah dis donc, quelqu'un qui a pris ça de ta page de ton cahier? Alors, quelqu'un a déchiré mon cahier pour écrire ça. Et franchement, mais juste, j'ai une chose à dire. C'est grandissez à un moment. Grandissez. Grandissez. Voilà, mais j'ai l'impression d'être au CM2. Mais du coup, je veux pas balancer, Bruno, mais toi aussi, t'as lu le mot. Donc, tous les deux, vous avez du boulot cet après-midi. Allez, 8h36, c'est Fun Radio. L'essentiel est de ne pas paniquer. Wow, le jeu des 30 secondes. Le jeu des 30 secondes. Je sens que je vais faire un carton à ce jeu. Sur Fun Radio. C'est quoi ton prénom? Lucas. Lucas, il est avec nous, il est stagiaire, t'as quel âge? J'ai 14 ans. Tiens, voilà, je te donne ce mot et va porter plainte. C'est bon ça. Comme ça, tu seras pas seul, tu seras avec un mec, Jean-Marc, enfin voilà, on passera du temps ensemble. Bon, alors, pour jouer ce matin au jeu des 30 secondes, il est à Laval, il a 26 ans, il s'appelle Marc. Applaudissements pour Marc. Bonjour la famille. Bonjour. Salut. Préparateur de commandes, Marco, c'est bien ça? C'est bien ça. Tu joues ce matin face à Péroline. Elle habite, oui, Bonnac dans le 09, 20 ans, maman au foyer. Applaudissements pour Péroline. Oui, salut la famille, salut Bruno. Salut. Bonjour. 20 ans, 20 ans, t'es une jeune maman, ça va très bien. Oui, tout à fait. Quel âge? Il a un an et demi. Un an et demi, d'accord. Ah oui, t'as eu ton premier enfant à 18 ans et demi. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. T'es toujours avec le papa, rassure-moi. Oui, mais d'accord, il a 40 ans. Ah, bah, c'est pas un souci. C'est ouf. Bah oui, mais l'amour n'a pas d'âge, Bruno. Vous avez 20 ans de différence? Ouais, mais elle était majeure, donc ça va. D'accord, rassure-moi, c'est pas ton papa? Non, non, ça va, non. Non, non, c'est mon tonton, t'inquiète. Je suis pas jeune, voilà, il y a 15 ans. Voilà. Bon, Marc, Péroline, la règle du jeu des 30 secondes, elle est simple. Vous allez choisir quelqu'un de l'équipe qui, en l'espace de 30 secondes, va devoir vous faire deviner un maximum de mots. Celui de vous deux qui aura trouvé le plus de mots repartira avec le pack PlayStation VR, avec la PS4, le casque de réalité virtuelle qui sort aujourd'hui. Et d'ailleurs, on vous enverra tout ça aujourd'hui, vous l'aurez chez vous demain. La caméra, la paire de manettes, les 11 jeux dispo avec la réalité virtuelle, ça vaut 1210 euros, d'accord ? Oui, bah, d'accord. Hier, on a eu un match nul. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on remet tout à zéro. Qui vous choisissez pour jouer, Marc ? Moi, Vaché. Oh, Vaché. Là, là. Merci, très bien. Marco. Péroline. Moi, je choisis le meilleur, Bruno. Oh là là. Ah, ça fait longtemps. Je n'affronte que Bruno dans ce jeu. C'est dur. On me fait jouer Vaché. Vraiment le Barça, quoi. Ouais. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour Georges. Ah, la pression qu'il te met. Pour ton fils, touché, frère. Pour ton gamin là. Mais bon. Je le ferai pour toi aussi parce que je te considère comme mon fils de cœur. Ah, c'est gentil. Christina, qui commence ? Vas-y Bruno. Je commence avec Péroline. Péroline. Oui. Bon, hey, tu te mets pas la pression, ma chérie. Tu réponds du tac au tac, d'accord. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, d'accord, ma belle. Ah, mais je m'entraîne tous les matins quand je vous écoute. Bon, et bah, très bien. Et bah, c'est maintenant qu'on va voir si ça marche. Fais attention, hein, les gens qui passent chez Tex dans les amours, c'est pareil, ils s'entraînent et puis à chaque fois, ils se foirent. Donc, ouais. T'es prête ? Oui. Top chrono, c'est parti. Dans une voiture, pour avancer, il y a un... Un accélérateur. On met l'huile de vidange dedans, c'est un... Un moteur. Ouais, très bien. Quand on écarte... Merde, non, putain, baiser. Un monsieur, on dit qu'il a un très gros... Au niveau du slip, on dit, oh, dis donc, il a un gros... Non, on range les affaires dedans. C'est cadeau, ça peut être un cadeau. On t'offre un cadeau. Je sais pas. Si tu sais pas, c'est compliqué. Un cadeau. Merde. Oui, t'es chronomètre. Les chips. Hein, nana de chips. Putain, mais oui, un paquet de chips. Ouais, tu prends où tes chips et des Bruno, allez-y aussi. C'est marrant, toi, que ta première idée ce soit avoir un gros paquet quand même. Ben oui, mais il y a deux secondes, il y a l'autre qui fait passer un mot, alors forcément. Merde. Péroline. Nul. Je suis désolé. Dès le moteur, j'ai merdé. Attends, parce que. Il y a une fois où t'avais fait deux et j'ai réussi à faire un. C'est vrai. Peut-être qu'on va faire zéro avec Marco. Bon, Marc. Ouais. Il faut faire au moins un. Ouais, bon, prêt pour avoir une chance, ouais. Top chrono, c'est parti. Alors, c'est pour peindre, tu utilises un... Un pinceau. Bah quoi. Bah oui, bah... Alors, t'es pas sec, tu as eu de l'eau dessus, donc tu es... Mouillé. Ouais, c'est pas du sel, c'est pour mettre dans un yaourt, c'est du... Sucre. Ouais, c'est pas le sol, c'est en haut, c'est l'inverse, c'est le... Plafond. Ouais, c'est une sorte de blanc, mais un peu plus vers le marron, c'est entre deux, gris. C'est une couleur. Non, non. Mauve. Non, c'est pas beau. C'est quoi la... Ouais, voilà. C'est pas en entier, c'est divisé en deux, donc c'est là. Moitié. Ouais. Voilà. Très bien. Marc, c'est gagné, voilà. Et alors, je vais même te dire, bon, c'est Karina qui est la juge du jeu, donc c'est Karina qui prime sur la décision, mais pinceau et peindre, c'est pas la même étymologie. Ouais, mais ça commençait pareil. De toute façon, ça vous fait 5 points, vous avez gagné, les loulous. Voilà, c'est gagné. Yeah. Marc, le kit arrive chez toi, le pack PlayStation VR avec la totale, ça vaut 1210 euros, il sera chez toi demain, d'accord? Et du coup, c'est toi et Vaché qui venez l'amener aujourd'hui. Ça va être compliqué, mais on va te l'envoyer pour que tu l'évites. Bon, pote, on t'embrasse. Pierre-Oline, on t'embrasse. Oui, merci, bisous la famille. Bisous. Heureusement que tu t'étais entraîné, comme tu l'avais dit. je rigole. Bah. Non, c'est pas facile. Rushing on a feeling, chasing fireflies. I wish I was less impulsive. But really, there's no reason why we live in fear of life. Even in the worst parts, there will always be a light. Where there's a heartbeat sound.

la parlotte et on dépote. Vous êtes prêts? Ouais! 6h-9h. On Fun Radio. Jeudi, c'est le 13 octobre, c'est Fun Radio. Chainsmokers qui arrive dans quelques secondes. Christina me disait à l'instant, là, j'ai parlé ce matin. Mais alors vraiment, comme ça, du fait de refaire peut-être un Bruno dans ton salon là bientôt, parce que c'est la période de l'hiver qui arrive, et qui dit hiver dit raclette. Et je me disais, alors on peut lancer la première raclette de l'année avec l'équipe, et je disais, bah pourquoi on le ferait pas chez un auditeur, qu'on ferait pas un Bruno dans ton salon. Bien sûr. Là j'ai pas le temps vraiment, mais début novembre on se fait ça. Et franchement, vous êtes hyper chaud là, depuis tout à l'heure on reçoit beaucoup de messages, notamment sur Twitter. Il y a Valentine qui dit, moi je vis chez mes grands-parents, mais je suis chaud pour que vous veniez. Il y a Céline aussi qui est chaude. Il y a Angie qui poste carrément une photo de son salon puisqu'ils viennent d'emménager dans leur maison. Il y a Sophie qui nous propose de venir manger une raclette dans le sud. Alors, j'aime bien ceux qui vendent. Là, il y a une méga table. Je pense qu'on peut tous tenir dessus. Ah. Ça, c'est pour Nono. Non, franchement, ça va cartonner. Bah, on est content de venir chez vous. Vous êtes team quoi? Il y en a team cornichon. Moi, je suis team oignon. Ah non, moi team c'est cornichon. Non, team oignon, les petits oignons. Les oignons blancs, toi. Cale, bien sûr. Ah non, moi c'est oignon rouge. Non. Coupé finement. Ouais, les petits oignons blancs là. À la, les oignons gros lots quoi. Au vinaigre, ceux que t'allais dans les cornichons. Quoi qu'il en soit, on sera tous team Frankie Pull le lendemain. Ouais, ça c'est sûr. Non mais on fera ça et on s'occupe de tout. Oui, c'est oui, quoi, bien on sûr. Pourrait même, ça serait rigolo de trouver un partenaire au délire, tu vois, genre la raclette Richemont, je sais pas quoi, une connerie. Ouais, la raclette Richemont, mais qui vient de chez le producteur d'à côté, quoi, c'est meilleur. Oui, c'est vrai. Bon, on peut faire un délire. On va lancer ça et on se fait ça genre début novembre. Juste après les vacances de la Toussaint. Et on débarque toute l'équipe, par contre, attention. Et toute on est 15. Bah, ah oui, ça, mais ouais, on s'occupe de tout, ça vous coûte rien. Moi je suis chaud. Et c'est quoi le pays de la raclette? Ah ouais, c'est vers le ski de toute façon. Oh non, mais on va peu importe, c'est on quoi s'en fout. Hein. Le pays de la raclette. Non, mais le. C'est vers le ski. En fait, Elliot, c'est le seul adulte qui a des phrases d'enfant tu sais, de 4 ans. Mais bien 3 sûr. C'est-à-dire qu'Eliot, tu lui fais dessiner une carte de France, alors il y a le ski. Il y a le vin. Ouais, il y a les plages. Nous, on habite dans quoi? Nous, c'est la ville. Nous, c'est la ville. Après, il y a les montagnes en dessous, là, dans le centre de la France. Mais alors, moi qui viens de Charente-Maritime, la Charente-Maritime, c'est quoi? Je sais pas. La mer? Non, c'est Fort Boyard. Ah, c'est Fort Boyard, d'accord. Donc toute la région, c'est Fort Boyard. C'est très Fort bien. Boyard, oui, oui. Très bien. C'est merci. Bon, je sais. Carte après, de France. T'as les volcans en Auvergne, c'est la région des volcans. Très bien. Après, voilà, dans le nord, c'est la région du Morvoil et du fromage. Et, d'accord. Et voilà. Eh ben merci, Elliot. Petite leçon de géographie là qui fait plaisir à tout le monde. Allez, moment love. Joli montage en tout cas. On lui a coupé la chic à Bruno Mars. Je suis complètement chié. J'ai pas entendu. Ah, je suis là-bas. Mais quoi, qu'est-ce qu'il voulait lui acheter? On saura jamais. Ça s'est pas du tout entendu. Ah, c'est le talent. Et franchement, un des meilleurs réalisateurs radio que j'ai eu de toute ma vie. Non, mais c'est Loosman, je pensais à lui et je me suis chié. Oh. Bonjour Jérôme. Salut Bruno, salut la famille. Moment love avec Jérôme. Moment love, c'est une histoire d'amour qui n'aurait pas dû en être une et qui s'est transformée en belle histoire. On avait lancé ça il y a quelques mois. On revient de dessus de temps en temps. Si vous avez eu une histoire avec un démarrage un peu bizarre, on a vu une auditrice, vous vous souvenez, qui était gardienne de prison, qui était tombée amoureuse du prisonnier. Et après qu'il soit sorti de prison, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants et tout ça. Des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. Jérôme, elle s'appelle comment ta chérie? Elle s'appelle Rebecca. D'accord. Elle a quel âge? Elle a 19 ans. J'aime bien les hésitations. Ouais. Elle a 17, 9. D'accord. Elle est majeure, rassure-moi. Oui, elle est majeure. Bon, t'as 29 ans, toi. C'est exact. On est sur une grosse différence d'âge. Bah, cela dit, il y avait cela tout à l'heure dans le jeu des 30 secondes, 20 ans. Oui, bah, pourquoi pas. Vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés à mon travail alors que je revenais de vacances. Et puis on a commencé à se draguer, à se chercher un petit peu, etc. Et puis un jour, je me fais convoquer dans le bureau du directeur et il m'annonce gentiment que je me fais, que je me prends un avertissement pour harcèlement sexuel. Mais non. Et si. Et depuis, ben, je suis avec ma petite femme depuis un an maintenant. Attends, et on vit ensemble. D'accord. Ah, celle pour qui t'as pris un avertissement? Oui. C'est exact, ouais. Attends, j'ai pas compris là. Donc elle te dit que tu la harcèles en gros et elle se plaint au patron et du coup il te donne non, un avertissement. Non, pas du tout. Il y a rien de tout ça qui s'est passé. Enfin, elle ne s'est jamais plaint comme quoi je la harcelais, etc. C'est juste les autres employés qui décidaient de. Il y a eu un peu de jalousie. Voilà, un petit peu aussi. Ouais, d'accord. Bien sûr, donc je l'ai baïonnée à la maison. Aujourd'hui, elle ne dit plus rien, peut on plus est se très plaindre. Heureux, c'est mais le non, moment c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Depuis donc... que je lui donne plus à manger, elle bouge plus. Ça fait 4 ans, mais je lui mets des belles robes. Mais je m'en fous des mouches. Jérôme, Jérôme, quand tu t'es mis avec elle, t'étais célibataire déjà à l'époque. Oui. D'accord, très bien. Bon, bah, écoute, c'est une belle histoire. Bah, soyez heureux tous les deux avec Rebecca. Là, voilà, très bien. Je te fais des bisous, Jérôme. Bisous. Bisous. Bonne journée. Bonne journée à toi. Et l'histoire de la stagiaire, voilà. Pourquoi vous êtes tous morts de rien? Mais parce que c'est Vacher qui nous fait rire. Non, c'était à double tranchant. C'est vrai que ça se trouve, le mec est vraiment malade et il s'est construit un monde dans sa tête. Ouais. Sa femme est vraiment empaillée, quoi. Du coup, j'ai tué le patron parce qu'il m'a énervé quand il a dit ça. Ça va, on sait pas. Les amis, vous êtes des fous. Vous êtes des fous, vous me fatiguez. Me fatiguez pas avant la fin de l'émission. Il y a des boulangers qui écoutent. Pourquoi il y aurait pas, je sais pas, des tueurs en série aussi, évidemment? Nous, on veut toucher tout le monde. C'est vrai, tiens, 32, 28. C'était tueur en série, appelle-nous. Venez nous raconter, ouais. Allez, Chainsmokers, c'est tout de suite sur Fun. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. The sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Sur Fun Radio dans 3 minutes à peine, 9h du matin, c'est l'heure du JPI. Le JPI sur Fun Radio. Journal pour l'image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI. Il mange 5 fruits et légumes par heure et passe ses journées aux toilettes. Agriculture, une étude qui vient de paraître révèle que près d'un agriculteur sur 3 gagne moins de 400 euros par mois. L'amour est dans le pré, mais pas l'argent apparemment. Football, c'est en une du journal Le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Comment remplir les stades de Ligue 1 en ne faisant pas jouer des équipes de Ligue 1 peut-être? Les internationaux de badminton auront lieu à Paris du 25 au 30 octobre. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony? Oui, je suis justement en train d'assister à un match de badminton. Et alors? Bah c'est très très très très très très très chiant. Bon courage Anthony. Moi j'aime bien le badminton, vous moi êtes aussi. Dur. Moi aussi, qui veut jouer avec moi? Au bac, quand j'ai passé mon bac, c'est l'option que j'avais pris sur le sport, option badminton. Ah ouais? Mmh. Ah ouais, c'est cool, bien, voilà. c'est viril par rapport aux gars qui font du rugby par exemple. C'est vrai qu'au lycée on comptait sur toi dès qu'il y avait une baston. Oh, attendez, je sors ma raquette. Qui veut un coup de volant? Vous lâchez cette fille, elle est en détresse. Personne ne veut jouer avec moi alors. Non, c'est méchant, mais moi j'étais mauvais en plus. La fin. Et pour finir, si vous aimez les hommes politiques et les tenues sexy, découvrez Alain Juppette. Voilà, c'est la fin du JPI. Demain, nous serons demain. Alors à demain. T'es moqueur, mais le badminton, c'était bien. Hein. Non, mais je sais. Toi, tu jouais en cloche ou vraiment tu faisais des... Et qui veut jouer avec moi alors? Mais toi, on te répond pas depuis une demi-heure, c'est qu'il y a une raison. Tu comprends? C'est que Elliot, tu n'existes oui. pas. Elliot, j'ai joué avec toi, moi. Oh, merci. Ah, bah voilà, allez jouer au badminton. Allez, tiens. Allez, les enfants. Et quand on dit à table, c'est à table, par contre. Vous ne faites pas attendre 20 minutes. Allez, allez jouer. Tu sais que j'en ai racheté des raquettes cet été avec les vrais volants en plume, là, parce qu'ils sont plus lourds. On va pas se raconter toute notre vie. De toute façon, vous savez quoi? Au départ, ouais. c'était une famille. Maintenant, je sens bien qu'il y a des. Y a des... vous ne me respectez plus, vous ne me respectez plus. À vouloir trop donner. Mais non, mais tu cherches là. Je me suis fait bouffer. Oh, et c'est bon, toi. Viens pas faire ta pute, genre, je soutiens les autres. Hein. Ça suffit. Hein. Allez, on revient dans deux minutes. Chut. Bon gueule. À tout de suite. Salut, c'est JB, c'est Adrien Thomas. Sur Fun Radio à 19h, pas de blabla, on allume les platines et ça mixe en direct pendant une heure. Pour découvrir des nouveautés et des remixes exclusifs avant tout le monde. Rendez-vous ce soir à 19h dans le Before Party Fun sur Fun Radio. Le son dance floor. Qui habille colore la vie. Ce n'est pas parce que l'hiver arrive que votre dressing doit se prendre un vent. La mode hiver est déjà chez Kiabi. Avec des couleurs chaudes et des matières tendances comme ce pantalon enduit avec détails zip, 5 coloris à seulement 12€. 12€ pour être stylé le jour ou glam la nuit. J'en frissonne d'envie. Du 12 au 25 octobre, conditions magasin et sur kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Nouveau message, Bouygues Télécom. En ce moment, pour l'achat d'un Samsung Galaxy S7, le Samsung A3 est remboursé. C'est 100% remboursé. Oui, bah c'est pareil. Bon, en tout cas, c'est une super bonne nouvelle. Oui, une 100% super bonne nouvelle. Pendant les jours Tecna Bouygues Télécom, pour l'achat d'un Samsung Galaxy S7 avec un forfait sensation, le Samsung A3 est remboursé avec un second forfait sensation 5Go et plus. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom ou appelez le 3106. Technow égale la technologie du moment. Offre soumise à condition, engagement 24 mois. C'est en exclu, c'est chez U, les ventes privées live. Avec les ventes privées live, moins 50% de remise immédiate sur l'étui 185 grammes de saumon fumé Le Norvège Laberry, soit 3,81€ seulement. Oh. Et demain, et jusqu'à samedi, avec votre carte U, bénéficiez de 20% supplémentaire en euro carte U. Profitez des ventes privées live avec le prospectus. Conditions et magasins participants sur magasin-u.com. Les nouveaux commerçants. Élevé en Norvège, transformé en France, soit 20,59€ le kilo. Pour votre santé, bougez plus. Bougez pas, Bruno. Les trois meilleurs moments de l'émission compilés par Elliot, c'est le top 3 d'Elliot et ça va arriver là dans moins de 3 minutes en direct sur Fun Radio. Il y a du dossier ce matin. Bah oui, on a relancé le qui n'a jamais mais version Magic System africaine. Ah oui, c'est vrai. Oh merde, on ressent les accents. Donc allez, à tout de suite. Fun Radio. Le son Dance Floor. Le point sur l'actu de ce jeudi matin, c'est Maxime Poulaouek. Pourquoi t'es debout? Elle veut pas me donner ma place. C'est à Karina du JPI, tu veux pas donner ta place? Non, parce que je l'aime pas trop, moi, Poula. D'accord. Oh, bah pourquoi? Je sais pas, je vous disais, ça y est, les caractères commencent à se dévoiler dans la maison des secrets. Allez, Max Poulaouek, il est tellement gentil. Max. Ah, merci. Mais oui, il est tout gentil. Regarde. Mais je peux rester debout, y a pas de souci. Il est tout frais. Tout ça parce qu'elle vient de te faire une olive. Il y a un tatouage, attends. Un petit peu, ouais. Fais voir, c'est quoi ça? Ah non, c'est des chiffres romains, nul, je crois que c'est un cœur. Bah non, c'est un tatouage, mais en chiffre romain, il s'est dit j'arriverai pas à les lire. Exactement. C'était quoi? La tête d'Eliott qui sait pas lire les chiffres romains. Allez, on y va, on commence par la météo. Avec trois départements en alerte orange pour pluie, inondation, vent violent au sud, l'Aude, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône, il va pleuvoir jusqu'en région parisienne aujourd'hui. Seule la Bretagne restera à l'écart, les températures entre 11 et 15 degrés jusqu'à 20 à Perpignan. C'est la sortie attendue du PlayStation VR, le casque virtuel de Sony sur la PlayStation 4. Plus de 50 jeux disponibles. Dès le lancement, c'est simple, vous vous plongez dans un univers complètement immersif, comme nous l'explique Richard Brunois, le directeur de la com de Sony France. On est totalement immergé dans le monde dans lequel on a choisi de jouer. Si on est un pilote de Formule 1, on va se retrouver dans la Formule 1, on va se retrouver dans l'environnement, on peut lever les yeux et voir le ciel, on peut se retourner et voir les concurrents. Et le PlayStation VR, dont le poids est de 600 grammes, est disponible dès aujourd'hui à un prix de 399€. C'est également à gagner en écoutant Bruno dans la radio. Cette semaine. Dans l'actualité, c'est donc ces intempéries dans le sud. Les cours sont suspendus aujourd'hui dans l'Hérault pour les écoles, collèges et lycées. Les portes de la foire internationale du parc des expos de de Montpellier resteront fermés toute la journée. La primaire de la droite et du centre, c'est ce soir à partir de 21h. 6 hommes, une femme pour une seule place. Et puis à la montagne ou à la campagne en famille, la SNCF met en vente à partir d'aujourd'hui ses billets de train pour l'hiver. Rendez-vous sur voyage-sncf.com pour bénéficier le tarif avantageux. Bonne matinée sur Fun. Bruno on Fun Radio. Vous écoutez Fun Radio, aujourd'hui c'est jeudi, c'est le 13 octobre, il est 9h04, bonjour! Fun Radio, le son Dance Floor, le son de Boosty. Sound of Legend Blue, ça arrive aussi là dans la demi-heure. Et le dernier Calvin Harris. Toute l'équipe de Bruno dans la radio est là, comme chaque jour. Il y a Christina. Bonjour. Qu'est-ce que le concept du pull en laine, tu sais, alors qu'il y a un peu tendance, mais ce pull en laine avec des mailles tellement écartées que de toute façon, on a l'impression que c'est un grillage que tu as sur toi qui ne réchauffe que dalle, on est d'accord? Non, mais moi, en fait, le problème, c'est que j'ai chaud ici. J'ai toujours chaud quand je fais l'émission. Alors, faut pas que je sois trop couverte. Mais tu as chaud. Comment ça? Mais j'ai toujours très très chaud, même. J'ai commencé l'émission en débardeur. Mais du coup, j'ai un pull qui laisse passer l'air, tu vois. Il y a Vachet qui te regarde avec une tête, mec, je saurais pas qui tu es, franchement, j'aurais peur. J'irais me mettre entre vous deux, mec, t'es tendu un peu, c'est quoi le délire? Bah non, mais ma femme a accouché la semaine dernière, donc ça faisait déjà, quand elle a accouché, ça faisait 2 semaines, je pense qu'on n'avait pas passé des moments tranquilles, et puis là, après accouchement, faut qu'elle se remette. Donc forcément, moi, je suis un homme, hein, comme on dit, je suis au bord de l'explosion, hein. J'ai demandé à toute femme de ne pas s'approcher à moins de 2 mètres de moi. Voilà, pas de main sur l'épaule, ça peut partir à tout moment. C'est comme des mines. Vous avez vu des démineurs déjà dans des films? C'est pareil. Tu touches un fil, ça pète. Attention. Comment tu fais, quoi? Parce que. Bon. Ah, mais franchement, là, en voiture, je passe sur un dodane, j'ai un orgasme. Je le sais. Faut que je fasse très, très, très attention. Elliot est là ce matin. Ça va, quoi. Mais le pire, c'est qu'à l'ennemi, tu pourrais le faire tout seul pour te soulager, mais il y a tout le temps quelqu'un chez toi. Elliot, et tout, quoi. Ne rentre pas forcément dans ce délire-là. Ouais, sortons de cette discussion. Ouais. Ouais, sortons de cette discussion. Pourquoi c'est toujours quand moi j'arrive, il faut sortir. Mais bah, parce que tu sors des trucs à 9h06, ouais. Les gens n'ont pas envie d'entendre parler de branlette. Vraiment, je pense. Ouais, genre, ouais, lui. Non, genre, en fait. Les gens n'ont pas envie vraiment. Allez, sexisme. Top 3 d'Eliott. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Le top 3 d'Eliott. Top gracias mucho. C'est du sexe. Bah oui, parce qu'on dit une branlette, donc c'est féminin. Et donc c'est du racisme anti-branlette. Oh là là. Je suis fatigué. Moi, tu sais quoi? Je suis fatigué. Faisons le top 3 et partons. Est-ce que c'est pas le moment aujourd'hui de profiter de cette fatigue pour se dire allez, on change de métier? Enfin, je sais pas. Moi, par exemple, j'ai. C'est vrai, tu sais quoi? Faisons les ça. Les pizzaiolo, j'ai remarqué ça dans mon quartier. Toi, tu veux faire pizzaiolo? Je les trouve hyper sympas. Ils ont vrai contact avec les gens. Et j'aimerais vraiment avoir ces discussions et connaître les clients de mon quartier. Très bien. Et bah, tu sais quoi? Un jour dans l'émission, tu feras des pizzas. Ok. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Tu ferais quoi d'autre comme métier? Moi, j'aimerais bien organiser des mariages. Tu vois ce que je veux dire? Wedding planner, complètement. Ouais. Vous avez besoin de pizza dans le mariage ou pas? Ouais. Ah, cool. Viens, on travaille ensemble. Yep. Je cherche des clients en ce moment. Ok, après vous, Elliot. Moi, je serais cuistot, moi j'aimerais bien. Bah rejoins notre team. Bah ouais, parce que tu peux, ouais, on va faire pizza et voilà, on va vendre des pizzas et genre des côtes de bœuf. Qui dans ce studio aimerait faire animateur de radio de matinale plus tard? Vraiment, levez la main pour deux. C'est quoi ton prénom? Lucas, viens. Ah, le stagiaire, voilà. Ah, moi je veux faire serveur, j'aime bien. Voilà, et bah Lucas, il arrive en cours. T'as quel âge, Lucas? 14. Prends le micro là-bas, prends le casque. Celui de Poulaouek. Tu connais l'émission un peu, Lucas? Si tu viens sur Fun, c'est que tu connais l'émission. Bah oui. D'accord. Non, c'est pas que tu voulais assister à notre émission, mais comme il prenait pas de stagiaire, t'es venu chez nous par dépit. Non, pas voilà, très bien. Et bah, allez, tu fais présenter le top 3 d'ailleurs. Moi, je vais me poser, je suis fatigué. Quelqu'un a de la pâte à pizza ou faut que je la fasse moi-même? Allez, vas-y. Numéro 3. Oui. Donc on va déjà commencer par le numéro 3, Elliot, vas-y quand tu veux. Eh ben écoute, j'ai mis en numéro 3 un extrait du Vacher Time, il a fait un test de culture générale aujourd'hui, il a inventé un cri d'animal, vous allez voir. Animaux maintenant, on sait que le chien aboie, que le cheval hennit, mais savez-vous quel cri pousse la moule? Ah, Ah ben non, pas du tout. Ah ben je vous le dis, c'est un fruit de mer qui fait... Il y a caca, flou, flou, flou. D'accord. On va s'imaginer qu'on est sur la plage et vous allez me faire le cri de la moule. D'accord. Regardez les enfants, on passe un bon moment. Oh oui papa, mais regarde, il y a des moules qui nous attaquent. Il y a caca, flou, flou, flou. Oh mon dieu, elles sont dangereuses. Il y a caca, flou, flou, flou. Mais elles fument trop de Marlboro par contre. Ah, il est très drôle ce Vacher, franchement. De jour en jour, il m'étonne. Ouais. C'est vrai qu'il est énorme. Ah. Quand vous avez des pepperoni sur la pizza ou pas? Ou j'en mets pas? Alors moi je suis assez pizza avec. Ouais, j'aime bien le chorizo. J'aime bien ananas hawaïen. Bon, okay, t'es en train je de faire suis d'abord sur la pepperoni là. Ah pardon. Donc, numéro 2. Donc qu'as-tu préparé pour le numéro 2, Eliott? Eh bien pour le numéro 2, on a parlé de préfecture à l'antenne. Et Bruno a une très très bonne idée d'ailleurs. Écoutez. Ça c'est quand j'étais en Charente-Maritime. Où t'es en train d'attendre devant le comptoir et t'as Anna qui fait. Et alors là? Tu sais pas ce qu'il me dit. Il me dit, attends que je passe un coup de fil et je vais t'expliquer ce qui se passe. J'attends. Et toi, t'es devant le truc. Et la nana n'en avait rien à branler. Et elle est super sympa avec la nana avec qui elle parle. Elle fait, oui, je te jure. Et tout, moi, c'est en train de faire, oui, bonjour, c'est pourquoi. Ouais, c'est mais... ça. Ils sont derrière leur comptoir. Ils parlent entre eux. Ils nous calculent pas. Mais attention, Philippe, je ne fais pas une généralité. Il y en a non. qui sont sympas. Mais tu sais quoi? En fait, je suis en train de penser. Plutôt que de faire l'épreuve des poteaux dans Koh-Lanta, pourquoi ils feraient pas l'épreuve de changement de carte d'identité? Ah ouais, de la file d'attente. Voilà. Alors Patrick, vous en êtes où? Bah moi je vais craquer, je sors de la file. Puis je laisse la finale. Je suis sûr que ça cartonnerait. À voir bientôt sur TF1 peut-être. Oui, peut-être sur TF1, il faut contacter TF1. Ouais, il ouais, faut contacter. C'est fort. Mais c'est ce qu'on va faire. T'as quel âge? T'as 14 ans? Ouais. Il se démonte pas. Ah non, il est top. T'es frais, hein, t'es frais. Numéro 1. Numéro 1. Donc, qu'as-tu préparé pour le numéro 1 voilà. Oui, Eliott, c'est mon prénom. Non, non, t'inquiète pas. Alors, pour le numéro 1, on a relancé le hashtag « Qui n'a jamais aujourd'hui ?» Ça a cartonné, c'est même encore en top tweet. Et le truc, c'est que Bruno a fait une petite erreur de prononciation et on est parti dans un gros délire. C'était énorme, écoute. C'était énorme. On l'a relancé ce matin, voilà. Le « qui n'a jamais ?» On avoue nos petits moments de solitude. Qui n'a jamais, on dirait le nouveau single des Magic Sisters. Qui n'a jamais, qui n'a jamais. Dans les Tom-Toms, qui n'a jamais autre chose sur la plage. Qui n'a jamais mis trop de rhum dans un petit poche. Qui n'a jamais trop zouké au point d'avoir mal aux jambes. Bien sûr. Eh ouais, on est créole dans le fond. Qui n'a jamais prolongé l'heure de la sieste jusqu'à 17h. Qui n'a jamais, qui n'a jamais. Oh. Qui n'a jamais dansé sur la compagnie créole toute la nuit. Qui n'a jamais fait une sieste crapuleuse alors qu'il était au travail. Ah putain. Qui n'a jamais fait des blagues un peu border. Attention, faut qu'on s'arrête. Qui n'a jamais caché un fruit dans son bonbon. Oh, bah, en tout cas, toute la métropole vous remercie. Pour la dédicace, bien sûr. On l'a pris ça avec beaucoup d'humour et on sait que ce n'est pas de la moquerie. Mais tu sais, on parlait tout à l'heure des files d'attente. J'ai eu ça aussi en file d'attente. Hein. De quoi? J'étais pas à Bakoun. Tu sais, l'histoire, et toi, t'es en train d'attendre le truc pendant 1000 ans. Bon, les amis, allez, on va revenir demain. Ce matin, ça va, Mika? Ben oui, ça va, les amis, et vous? Bien, j'ai tweeté ce matin une vanne du JPI qui m'a fait rire sur Janet Jackson va avoir un enfant attend son premier enfant à 50 ans. Ça lui fait un autre point commun avec son frère qui attendait aussi les enfants à 50 ans. Oh. Et ça m'a fait rire, je l'ai posté sur Twitter. Et donc, ouais. J'ai des commentaires sympas. Là, une nana qui s'appelle Emily qui dit pas drôle, 0,5 sur 10, va niquer ta mère. C'est ça, ça ressemble pas trop aux critiques Télérama. Ça. C'est ça. Le pas drôle, on peut y croire, mais là. Je viens de répondre, maman t'embrasse. Bon, Mika. Il y a un truc que je trouve ouf avec vous, la famille, c'est le nombre d'accents que vous maîtrisez. Ah, bah, ça. Merci. Bah, bien sûr. Ah, ouais. Ah moi, mais je sais pas. Il faut faire quoi? Faut faire du théâtre? Faut faire quoi pour faire ça? C'est quoi? C'est un jour, on fera un truc. On te demandera de nous choisir des accents et tu verras du tac au tac. On les fera parce qu'on a cette capacité-là, vraiment. Je pense que l'émission marche vraiment grâce à ça. Oui, c'est des accents. C'est bien pour vous, mais moi, je crois en la réincarnation. Et je me dis qu'on a dû être ces gens-là avant. Je veux dire, peut-être qu'Eliott a été créole, moi j'ai été chinois. Bruno, il a été allemand, j'en sais rien, tu vois. D'ailleurs, tu sais quoi? Avant de partir, parce que Va chez Elliot, on le fait, mais je pense que la personne qui gère le mieux les accents, c'est quand même Christina. Ah oui. Et moi, je voudrais qu'on finisse avec Christina deux secondes avant de partir. Vous allez voir. Tu lui dis à Christina les accents et c'est fou le mimétisme de la personne. Vous êtes prêts ou pas? Ouais. Fermez ouais. les yeux. Ouais, attention, Christina, accent créole. Bonjour, bienvenue, venez manger mon mafé. Très bien, super. Ah oui. Alors attention, parce que c'est en plus dans l'accent un peu raciste, hein, vous allez voir, ouais, ça va être sympa. C'était un peu allemand, moi. Accent chinois. Ah, allez, attention. Bondou, bondou, défait des nems pour très vous. Très bien, okay. Mais c'est le même, c'est le accent, même accent. Accent allemand. Ah oui. Bonjour et bienvenue à la maison. Très bien, ok, accent belge. Bonjour, une fois, voulez-vous des frites? Accent italien. Ah, les saltimbocca, les penne. Anglais. Bonjour. Guten Tag. Le mieux, Bruno, le québécois. Moi, j'attends que ça. Ah oui, le québécois. Ouais, avec tabernacle et caribou. Ouais. Si. Le québécois. Le québécois. Oh, tabernacle, j'adore les pancakes avec le sirop d'érable dessus. Ah, donc un Québécois un peu allemand, ah ouais. Avec un peu de une grand-mère asiatique qui traînait quelque part. Les oh amis, c'est sur ça que nous allons vous laisser et on va revenir en direct. On vient de recevoir demain. Un SMS, il retire tous les scooters devant la radio. Alors bon, bah, vu qu'il y a le mien qui est garé comme une n'importe quoi. Ah bah allez-y les amis. Alors. Bon bah allez, allez-y. Voilà, bah, salut, au revoir, hein. Salut. Il y a la fourrière. Et bah c'est quoi? Et j'apprends qu'ils viennent de retirer tout le talent. Bah c'est pareil, je pars. Allez, on sera là demain. Des bisous. Bon, on se met un iPhone 7 avant midi. Double ça, c'est pas mal ça. Où ça? Où ça, ça, ça. Mais attention. C'est pas faux, c'est pas faux, faut que je précise. Parce qu'on reste à nous s'il faut. En vibreur, il sera en vibreur. Il sera en vibreur. Sam Duff, légende et Sacno, allez, double fan avant midi. Bisous la famille. You're in my mind when my world goes down. Fight like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Il nous faudra vite se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière. Car au bout du compte, nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes, en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous à l'idée qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Je capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Tu ne veux pas survivre en apnée. Nouveau tube Fun Radio. Arizona et Robin Schulz. Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Le son dance floor. Oh, I can see the doubt in those eyes. Even though you try to hide it, there's not much to figure out. Cause I know why.